Et oui, nouvel épisode de VGPM tous ensemble. Il est 22h, l'émission est en différé, on l'a toujours dit, on le dit, on dit la vérité ici dans cette émission. Donc il est en vrai 18h ici, à Paris, dans le 7e arrondissement, puisque c'est quand même Web 7 Radio, hein, quand même, cette radio qui nous accueille, cette émission VGPM, Very Good Bad Movies. Et avec moi, ça sera une émission très intime, parce qu'on n'est que trois, on est bien, on est tous ensemble. Il y a les piliers, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés au début. Et ceux qui sont là depuis vraiment le début de cette création, j'ai envie de dire merci aussi d'être venu. Et je vais vous poser une question tout à l'heure aussi pour savoir comment vous êtes venu, comment ça s'est passé, est-ce que vous avez douté, est-ce que je sais pas. Et puis votre première, est-ce que ça s'est bien passé dans cette émission? Mais ça, je vous pose la question juste après. Mais d'abord, je vais vous présenter et fermer la fenêtre aussi. Tommy, comment vas-tu? Très bien. Voilà, je suis de retour. Ça m'a manqué. Et puis voilà. C'est un peu court comme présentation. Mais donc, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Parce que je savais qu'il y avait un projet avec plein d'acteurs. Tu voulais un peu faire agent de star, agent d'acteur un peu de tes potes. Ouais, ça j'ai toujours. T'as toujours. Tu envoies, tu partages, c'est ça en voilà, fait. Voilà, je partage dès que je vois quelque chose qui les intéresse, ouais. Je les envoie. Et le but, c'est un peu de renvoyer l'ascenseur quand. S'ils peuvent pas, c'est pas grave. On est d'accord. Moi, si je vois une annonce qui intéresse, enfin, qui cherche par exemple, je sais pas, une fille, si je connais des filles qui répondent au profil, hop, j'envoie. Bon bah d'accord, mais bon tant mieux, moi j'ai envie de te dire encore bonne chance et bon courage pour toute cette carrière, ça va être une pyramide à grimper, mais tu vas y arriver, je suis sûr, t'as la gueule et t'as la voix, donc normalement merci. Ça va bien se passer. Et avec nous aussi, alors lui ça fait longtemps qu'il est pas revenu, je l'aime beaucoup. Attention mon prénom. C'est un peu, non je sais t'inquiète, c'est notre bûcheron, parce que quand je vois sa barbe, je me dis ça, c'est un peu notre bûcheron de l'équipe. Non c'est Gauthier, comment vas-tu Gauthier? Bah ça va très bien, depuis la première je suis pas revenu, donc mais oui, bah, ça fait plaisir ça d'être fait là. Plaisir, oui, bah, moi je suis très content de t'accueillir à nouveau dans cette émission. Bah, ça fait que 2 semaines. Et ouais, mais 2 semaines c'est long quand même. Ouais, parce vrai, moi, là, je les sens, pour hein. Nous c'est long, c'est vrai que nous on les sent aussi. Quand je fais l'émission. Je vais vous faire un aveu, c'est vrai que l'attente de l'émission, moi, des moments, ça me titille. J'ai envie de faire l'émission tous les jours. Ouais, lundi, ça, vendredi. Ça fait beaucoup, j'aimerais bien faire ça. Et un bah, jour bien, peut-être. C'est parti, on fait ça tous les jours. Mais tu sais, chiche, hein, parce que. Alors, juste pour info, j'aime beaucoup Web 7 Radio et je les aime et je leur envoie beaucoup d'amour. Mais c'est vrai que, à part nous, je sais pas ce qui existe encore sur cette web radio. Regardez les podcasts, il y a que nous pour l'instant qui mettons un peu d'ambiance, un peu de vie sur cette web radio, qui est quand même une web radio intéressante, très cultivée avec beaucoup de choses voilà, diverses et variées. Et mais des émissions vont venir, des nouvelles émissions en plus. Et on en parlera ça de. On parlera de. Oh là là, j'ai bugué là. On parlera de ça tout à l'heure. Merci beaucoup. En attendant, j'aime bien poser des questions au début. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous pose des questions un peu perso. Et ma première question, c'est comment vous êtes arrivé dans cette émission? Rappelez-moi un petit peu si on a un petit effet flashback. Et puis, est-ce que vous avez eu des doutes? Comment ça s'est passé? Est-ce que j'étais sympa? Etc. Tommy, comment ça s'est passé? Alors, moi, j'étais venu, c'était pour parler. Est-ce que tu peux parler un tout petit peu plus fort? Ouais. Alors, j'étais venu, c'était Estelle qui m'avait fait venir. Et c'était pour parler d'un film, je crois que c'était un film Marvel, mais je sais plus lequel. Mais du coup, ouais, j'étais venu et j'avais parlé. Thor et... Ah oui, voilà, j'étais venu pour parler de Thor Ragnarok. Et finalement, je suis tombé amoureux du taf de chroniqueur et voilà. C'est vrai. Je suis resté. Mais je me rappelle aussi, tout de suite, je me suis dit, lui, il a un truc, j'aime bien. Tu plaçais bien ta voix, t'étais très à l'aise avec le micro, même avec Estelle et puis toute l'équipe à l'époque. Donc ça s'est très bien passé et puis je suis très content parce que t'es une très bonne recrue. Même si en ce moment, mais c'est normal, tu bosses et c'est mieux de bosser que d'être ici parce qu'au moins t'as des pépettes qui arrivent dans ton porte-monnaie. Mais je t'aime beaucoup, tu sais, et t'es toujours le bienvenu dans cette équipe. Mais je suis quand même triste et je suis quand même en négociation pour essayer de garder mes mercredis pour... T'es trop chou. Gauthier, comment ça s'est passé? Est-ce que j'étais sympa? Ouais, j'étais SDF à Paris et je t'ai demandé une pièce, tu m'as offert un job. Non payé, ça le non, principe. Non, je venais de finir le lycée, alors j'avais fait plusieurs projets cinéma, donc sur des enquêtes pour un peu essayer de faire implanter plutôt le cinéma dans des petites campagnes, des choses comme ça, donc jamais quelque chose de concret. Et puis c'est vrai, il fallait que je trouve quelque chose, un média qui parle de cinéma. J'ai vu l'annonce sur internet. Je t'ai envoyé un message, tu ne m'as pas dit oui tout de suite, parce que c'était le début de l'émission et vous étiez trop. Donc tu m'avais redirigé vers Arthur, le directeur, qui ne m'a jamais répondu. Mais je crois que tu peux dire merci à Paul, hein, parce que je crois que c'est à cause de Paul qui était parti en cours de route. Non, tu le connaissais non, déjà. Ouais, Paul, je l'ai vu. Donc, non, ce n'est pas à cause de lui. Bon, je crois que j'ai dû vouloir réduire un peu l'équipe. Pas trop de personnes, et puis je crois que c'est une négociation avec quelqu'un d'autre, tout ouais, ça. Je sais pas. Bon, t'as profité de l'occasion. Mieux, ouais, voilà, puis tu m'as rappelé que tout après, bon, que c'était bon, puis moi je suis venu et je suis jamais reparti. Bah, c'est parfait. C'est cool. Mais c'est génial. C'est une famille ici. Mais sinon, récemment, s'est passé quelque chose, Gauthier, dans ta vie? Corporellement. Corporellement. J'ai décidé de changer de sexe, effectivement. Merde. Ah, la nouvelle femme barbue. Alors, oui, c'est non, ça. Oui, alors, faut que je vous la raconte, celle-là. Oui. Alors, c'était parce que... alors, tout commençait par un bel après-midi. Oh non, nous fais pas cette en mode histoire conte pour enfants. Vas-y. J'étais dans le métro, et puis donc je sors du métro. J'allais pour rentrer chez moi, donc j'allais rejoindre les grandes lignes de Paris pour trouver ma Seine-et-Marne. Et parce que comme... il fait le contexte, il y a un suspense. Comme beaucoup, il y a des gens qui, des fois, jouent un peu de musique. Et à un moment, je suis surpris par une femme qui chante, mais vraiment merveilleusement bien dans le métro. Et donc, je la regarde, et puis j'avance en même temps. Et puis, il y a l'escalier. Et donc, je tombe pas de l'escalier, mais j'ai le petit truc que vous savez, genre de poser la fille, puis la fille qui part en angle droit et qui fait. Ah. Mais en fait, c'est la barbe qui cachait l'escalier, en fait. Je sais pas ce qui cachait l'escalier, mais en tout cas, je suis sûr, c'est que je l'ai pas vu l'escalier. Et donc, du coup, je fais comme ça. Alors, au départ, je me relève. Donc, je suis un peu le mec qui. Ouais, oui, c'est bon, tout s'est bien passé. Mais t'as fait combien de marches? 15 et, la première, c'est-à-dire la première, j'étais comme ça. Mais quand je me suis relevé, j'étais là, genre en mode, c'est bon, personne m'a vu, genre ça va, tu vois. Mais j'avais mal. Donc, j'ai commencé à marcher, j'avais mal. Puis à un moment, je dis, bon, je vais quand même me poser et tout, je me pose. Et là, je regarde ma fille, puis je vois que ma fille, elle a commencé quand même un petit peu à gonfler tout ça. En combien de temps? En 10 minutes. Oui, quand même. Du coup, je rentre chez moi, je vois le médecin, je fais une petite radio, et puis le médecin, il me dit, bon, rien de cassé, mais ça se voit que vous avez quand même eu un petit choc, donc je vais vous poser une petite attelle et tout. Il me dit il faudra pas poser le pied pendant une semaine, mais au final, au bout de 2 jours, ça allait quoi. Bon, bah c'est cool. Toi, c'était un petit coup, c'était voilà. Quand il y a des belles filles qui chantent dans le métro, faut pas s'attarder sur elles. C'est ça, cause des femmes. Voilà, c'est toujours à cause des femmes, les pauvres. Les pauvres de je vais donner 2 euros, je regrette. je vais rien donner. Petite question, parce que je pose toujours une petite question par rapport au cinéma. Ma question, elle est pour Tommy, la première. Est-ce que tu kiffes les multiplex? Je prends par exemple Châtelet. Est-ce que quand tu y vas, est-ce que déjà tu y vas ou pas à Châtelet ou les gros multiplex? Ça m'arrive, mais. Mais est-ce que vraiment tu sens qu'il y a un plaisir différent d'y aller? Parce qu'on parlait beaucoup, et ça fait beaucoup qu'on en parle, mais l'effet aéroport en fait de Châtelet, où il y a 32 salles, et on a l'impression vraiment qu'il faut prendre 10 minutes d'avance pour aller juste du point A au point B. Mais est-ce que tu t'aimes bien ce concept ou pas? Alors, ou tu préfères les petits cinémas de quartier? Ouais, voilà. Déjà, je travaille dans un petit cinéma de quartier qui est à Lyon-Bastille. Venez, c'est très bien. Fais la pub. Non, Châtelet, déjà, j'aime pas Châtelet, le lieu, déjà. Ouais. Alors, après, il y a d'autres, il y a Bercy aussi. Bercy, ça va. Bercy, il y a Bercy Village, je trouve ça, il y a une petite ambiance, c'est cool. Mais Châtelet, moi, j'aime pas du tout, il y a trop de monde, c'est trop grand, c'est l'usine, enfin, comme tu dis, l'aéroport, c'est... Vraiment, j'aime pas du tout. Non. Je préfère, du coup, Bercy, ou... Bah, du coup, UGC de Gare de Lyon-Bastille, il est plus petit. Mais entre UGC et les cinémas d'essai, par exemple, est-ce que tu as une préférence? Parce que moi, par exemple, c'est vrai qu'avec la carte UGC, je pense que tu j'avoue aussi. Que je vais que au UGC parce que j'ai la carte UGC. Okay. Mais on a le droit aussi à des cinémas partenaires. C'est vrai que... Et c'est vrai que je t'avoue que quand j'y vais, il y a un plaisir, il y a une odeur aussi particulière dans les vieux cinémas. Les cinémas indépendants, c'est et quand tu as 20 sièges pour voir un film, c'est génial. Mais le concept, je trouve, c'est formidable. Il y en a un petit vers la Varenne qui j'aime bien, c'est les 4 Delta. Et ouais, mm-hmm. C'est un petit cinéma, et c'est très bien aussi, j'avoue. Ouais, moi, je conseille le Balzac sur les Champs-Élysées. Très bon petit cinéma aussi. Moi, je vais avoir une préférence pour les petits cinémas. Alors moi, je vais beaucoup à Disney, hein, je m'en suis jamais caché ici. Donc c'est vrai que Disney, c'est un gros cinéma, mm-hmm. hein, c'est un grand Gaumont et tout. Moi, je prends par exemple le dernier gros film, c'était Avengers Infinity War, c'était la salle IMAX blindée, donc ça avait plus de 300 personnes pour la séance. Moi, j'aime bien ce genre de cinéma pour aller voir un film. Après, c'est vrai que moi, en cinéma, j'ai beaucoup de petits cinémas qui sont... qui vont pas avoir le même intérêt. Je vais prendre un exemple, un Star Wars, ça va sortir c'est moi, à l'époque, quand j'étais en stage dans le petit cinéma, le Star Wars, il sortait dans le 15-16 décembre, il l'avait le 20 janvier, donc il y a un gros décalage entre la sortie officielle. Ah, moi, ouais. Donc c'est sûr qu'on n'y va pas pour voir un film qu'on attend, parce que le film, on a eu le temps de le voir d'ici là. Mais il y a un intérêt un peu plus cinéphile, c'est-à-dire que dès que c'est déjà plus facile de rediffuser des films, donc d'avoir les droits de nouveaux films. Et puis, c'est surtout plus facile de construire quelque chose, des projets autour. Donc, notamment les ciné-clubs qui viennent dans le cinéma pour débattre, pour vraiment faire une séance et tout. Ça, à la limite, je serais dans le côté de Tommy à y travailler. Mm-hmm. Je préférais les petits cinémas comme ça parce que je pense qu'en tant que cinéphile, tu as plus intérêt. Après, tu as pris l'exemple parce que c'est vrai que ce qui est très collé au cinéma de quartier, c'est par exemple, on prend Quartier Latin où il y a beaucoup de cinémas où il n'y a que des reprojections de films anciens. Mm. Mais c'est vrai que quand même, dans les multiplex, et c'est ce que j'ai remarqué, il y a tellement de salles en fait qu'à un moment donné, ils mettent les sorties des reprojections et aussi dans leur salle à eux. Ah, je te parle de cinéma, tu as une ou deux salles. Moi, le cinéma où j'étais en stage, j'avais qu'une seule salle. Donc, mm-hmm. t'avais une ou deux séances par jour. Mm-hmm. Donc, moi, c'était à l'époque, donc c'était en novembre, donc t'avais des petits films. Je me sens que c'était à l'époque, t'avais Boomerang qui était sorti, un film que j'ai beaucoup aimé, Le Grand Cru, tout ça. Avec Laurent Lafitte. Voilà, donc ça, ces films-là, quand t'es cinéphile, c'est bien parce que tu sais qu'il ne va pas y avoir beaucoup de personnes qui vont c'est venir. Vrai. Tu vas avoir un ou deux personnes. Tu vas dans la salle, le mec il envoie ta séance, tu fermes ton cinéma et tu vas voir le film avec le public. Donc au final, quand il y a toujours deux employés, donc il y en a un qui veut pas voir le film, ben, il reste à l'accueil, et l'autre il va voir le film. Ça c'est bien. Après, en tant que spectateur, moi par exemple Avengers, mais je préférais largement aller le voir à Disney, parce qu'à Disney, quand tu es dans une salle de cinéma avec 200 personnes qui sont en train de kiffer le film que tu es en train de regarder, c'est beaucoup mieux de le vivre avec eux. Oui, c'est sûr, de 200 pour personnes. Les films comme ça, oui. Donc c'est, voilà, c'est modéré. Ça dépend le film qu'on va voir. Les films populaires, blockbusters, tout ça, vaut mieux aller voir dans un grand cinéma, vaut mieux kiffer avec tout un public. Et mais après, comme rappelle-toi, on en avait discuté le jour de la première. Il y a aussi question avec les grands cinémas, c'est des gens qui viennent faire les cons. C'est-à-dire que on peut aussi vachement gâcher une. Moi, c'était Batman contre Superman. J'avais payé avec ma copine plus de 30 balles pour aller le voir en 3D, salle IMAX et tout. Bon, on s'est fait gâcher le film par des petits cons. Quoi. Ouais, donc, c'est pour ça, à mon cinéma, déjà, par exemple, on met pas de films d'horreur parce qu'on sait que ça ramène un peu une clientèle des fois. Le cinéma municipal, par exemple, c'est des petites salles, c'est plus facile, par exemple, quand il y en a qui font les cons d'intervenir et de les faire sortir. Ouais, c'est vrai que c'est ça qui est bizarre parce qu'on sait, et je vais vous faire cet aveu-là, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des caméras de surveillance en fait dans les cinémas. Oui, c'est vrai. Et infrarouge pour voir s'il y a pas des gens qui se tripotent en fait, autant qu'on se dise. Parce que ça arrive, il y a beaucoup de couples qui vont au cinéma et puis ils vont se permettre des bisous, c'est normal, ils vont se permettre de se toucher à des parties. Ils vont faire l'amour dans le cinéma, on va se cacher, on sait, les sièges à côté, le siège à droite ou à gauche, on peut être à côté. Il y en a, ils font des choses et en fait, c'est vraiment interdit, vraiment. C'est... Et puis déjà, ça peut être très gênant, on sait jamais, t'imagines, t'es à côté ou pas loin et tu sais qu'il y a ça, moi ça me gêne. Ça ouais, et puis beaucoup de choses déjà aussi pour ceux qui filment déjà, je pense que pour les producteurs, oui, c'est le premier souci, c'est le streaming, c'est les films qui se retrouvent sur Internet. Moi, je prends des jeunes que j'ai rencontrés dans des petits quartiers, des jeunes auxquels on essayait d'imposer des ciné-clubs. Le mec qui se retrouve avec, je vais reprendre l'exemple d'Avengers, avec le Avengers filmé au cinéma, qualité de merde. Nous, on s'en fout de ces films-là. On va pas jamais regarder un film qui a une qualité, alors que, parce qu'on sait ce que c'est le cinéma. Mais ces jeunes qui sait qu'il va devoir attendre 6 mois avant de voir Avengers, la première séance, elle va y aller. Et ces jeunes-là, aujourd'hui, ils sont majoritaires et ils se font bouffer sur les marchés. Donc c'est sûr que moi, je sais, dans le cinéma municipal, les caméras, il n'y en avait pas besoin. C'était les jeunes de la ville, il n'y avait que des petits vieux, que des jeunes qui viennent. Mais si un jour il y avait un petit malin qui se ramenait dans le cinéma et qui se mettait à filmer, il fallait qu'on le voie. La caméra servait à ça, à filmer tous ceux qui. Mais c'est bien, il y a de la sécurité, on sait jamais. Il n'y a que de la sécurité, et puis après, d'une manière aussi globale, s'il se passe quelque chose dans la salle de ciné, il faut au moins savoir ce qui s'est passé aussi. Et puis, et c'est là où j'arrive avec ce que je voulais dire, c'était il y a une caméra, et des moments, on a l'impression que, je suis désolé, mais si tu surveilles, s'il y a un peu de son, je ne sais pas s'il y a le son, mais j'imagine que oui, et que tu vois que c'était un peu le bordel, pourquoi il n'y a pas une réaction des moments, c'est ça qui me. Alors. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je pense que le plus gros des. Alors, je sais pas. Non, je pense que ça peut être vite réglé parce que dans des petits cinémas. On va pas avoir le son forcément, mais moi, la séance, la salle a été à 5 mètres de l'accueil. Donc le mec, il est saoulé, il sort, il fait ouais, excusez-moi, il y a des mecs qui sont en train de faire les cons. Donc à la limite, ça, on n'a jamais eu trop de problèmes. Les grands cinémas, et là, je pense que ça compense, c'est qu'eux, ils sortent, ils vont peut-être mettre plus de temps, mais en tout cas, le mec qui fait le con pendant une séance où il y a 200 personnes, c'est 10 gars de la sécurité qui viennent le chercher. Et le gars, il a rien à faire, il sort et il a pas intérêt à faire de bruit. À Disney, c'est déjà arrivé plusieurs fois qu'on voit 5 à 6 mecs rentrer, notamment, c'était souvent pour les Fast and Furious. Moi, c'est arrivé deux fois lors de projection de Fast and Furious, où les jeunes, ils viennent, ils se mettent à faire le con, ça fait des bruits d'animaux, ça fait des trucs, c'est chiant. Et il y a un moment, il y a un mec qui est sorti. T'as 10 mecs de sécurité qui sont arrivés, les 3 jeunes, sortis au bout de 5 minutes. Donc après, ça dépend. Les gros cinémas vont peut-être plus avoir des moyens de sécurité. Et les petits cinémas, il y a déjà moins de chances que des conneries. Après, il y a moins de risques, il y a moins de problèmes. Du coup, donc c'est différent. Bah, tu sais quoi, si un jour ça m'arrive, mais ça m'arrive très rarement, et j'ai envie de dire merci, je touche du bois. Mais un jour ça m'arrive, je vais tester, je vais voir si je leur dis, ouais, c'est un peu le bordel. On verra leur réaction. Ça dépend des ciné. Je sais pas si j'avais raconté cette anecdote. Vas-y. Si j'avais eu le temps. J'ai l'impression que c'est émission anecdote ici. Là, j'étais au cinéma, celui qui est vers chez moi, du coup, le GC. Mm-hmm. Là, c'est un peu un grand aussi. Okay. C'est celui de Créteil et Soleil. Okay. Il y a des centres commerciaux à côté, il y a du monde et tout. Il n'y a pas de souci. Donc, j'étais voir en eau trouble. Parce qu'en fait, ce cinéma, c'est en VF. T'as allé voir ce film? Oui, j'ai été voir le Nanar de l'été. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Une petite dépression, un petit coup de. Ah. Mais c'est pardonné. Dès que t'es avec un petit cousin, ce film a de la cousine, ce film a de la chance que je ne sois pas venu à la radio. Le premier était bien, hein, d'autres troupes. Après les premiers, c'était bien. Hein, oui, mais celui-là. Après, ça bloque le service. Et du coup, je m'assois sur une place. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, non, les premiers, mais il n'y a pas eu le premier, si. En eau troupe, c'est John Statham avec les requins. Non, ouais, mais il y a eu d'autres films du genre. De requins, quoi. Les films de requins étaient beaucoup plus réalistes à l'ancienne. Les premiers étaient beaucoup plus réalistes. Mais du coup, je m'assois sur une place et je vois une bouteille de coca, tu sais, dans le truc où tu poses la bouteille. Je la prends et je me dis je vais la pousser. Sauf qu'en la soulevant, je vois que déjà elle est remplie, le bouchon est ouvert et je vois que c'est jaune dedans. Donc c'est un mec qui a pillé la bouteille. Tu nous avais raconté. Les chewing-gums aussi. Les salles de cinéma, les chewing-gums. Je déteste ça. Okay. Aéroville, à Val d'Oise, putain, quand tu vas dans une salle, que tu t'assois, tu te relèves. Moi, ça m'était arrivé avec. Je sais plus si c'était Blade Runner. C'était les premiers films que j'ai été voir pour la radio d'ailleurs. C'était la première fois que j'ai le ciné pour la radio. C'était Blade Runner et je crois que c'était le film avec qui a été nommé à Cannes. ou au César, là, on se demandait pourquoi jour de fête. Ou Le sens de la fête. Le sens de la fête. Le sens de la fête, oui. Donc, je sais plus c'était pour lequel des deux films. Au bout de 5 minutes de film, j'étais plein de chewing-gum sur moi et tout. Tu passes pas un bon film. Ah ben tu passes non, pas un bon film quand c'est que tu passes pas un bon film quand c'est que c'est dégueulasse, que les sièges sont dégueulasses, que on parlait des gens qui font l'amour. D'ailleurs, moi je dis, n'allez jamais vous mettre dans les grandes salles, les sièges sur les côtés, parce que là c'est vrai que tu vois les cochons et que font les gens et tout, et c'est, à Disney ça arrive tout le temps. Ah oui, quand même. Enfin, tout le temps, j'exagère. Mais... Bon, après, qu'il y a eu des petites caresses, des machins. Faut savoir. Faut tu savoir. Vois, si les gens font vraiment super, c'est subtil, on retrouve tout des, ça. Des faut savoir. Ils sont sérieux. Oui, non, mais faut savoir. Et là, faut comprendre. Faut aussi comprendre que les cinémas, les grands cinémas, Disney, je parle. Après, c'est les grands cinémas, c'est pareil, je les connais pas. Mais on peut pas nettoyer une grande salle IMAX à chaque séance. Quand une séance est finie dans une salle IMAX. Un quart d'heure après, t'as une autre séance. On peut pas venir la nettoyer. Si on peut venir passer un coup de balai, nettoyer le gros truc, mais on pourra pas nettoyer. Un chewing-gum collé sur un truc, une bouteille de pisse laissée, une capote préservatif laissée sur le côté. Ah, ça peut passer inaperçu. Pas et puis forcément, toi, tu es le mec qui vient de s'asseoir à côté. Et voilà. Et puis sachant qu'en plus qu'aujourd'hui, alors je sais pas si dans tous les cinémas, mais les Gaumont surtout qu'aujourd'hui à Disney, on t'oblige de choisir ta place avant. Oui. Ouais. C'est-à-dire qu'une fois que t'es dans la salle de ciné, c'est ta place. Ta place, elle peut être dégueulasse. Tu t'en fous. T'as choisi cette place. T'es à cette place. Ça c'est horrible. Donc. Non mais dans les salles de cinéma, des fois tu trouves des trucs. J'ai un collègue qui m'a raconté, il a déjà vu une serviette hygiénique pleine de sang, quelqu'un qui s'était changé dans la salle, qui l'avait laissé, de la merde dans la salle, il a déjà vu. Oh. Il y a vraiment des gens, c'est dégueulasse. Après un jour tu trouves un billet de vin aussi, ça suffit. Ça c'est possible. ça c'est déjà bien. Mais... Ça c'est possible. Bon, j'ai trouvé qu'un euro moi pour l'instant dans les salles. Mais, c'est pas moi qui ai trouvé les 20 euros, mais. Si, mais voilà, il y a des gens dégueulasses, ouais. Bon bah merci pour donner envie aux gens d'aller dans les salles. On essaie de nettoyer quand même. Non mais après voilà, c'est rare. Il y a des avantages et des inconvénients pour tout. C'est-à-dire que les petits cinémas ont des avantages, ont des inconvénients. Les grands cinémas c'est pareil. Moi je me rappelle, petite anecdote, je suis allé dans un MK2. Alors je me rappelle plus vraiment, mais c'est vers Quartier Latin, mais plus éloigné encore je crois. Vraiment très éloigné, pas vraiment du quartier mais un peu à côté. Et à un moment donné, donc je vois un film, donc c'est un film documentaire, donc on n'est pas beaucoup, je crois qu'on est 20. C'est déjà pas mal pour ce film-là, mais c'est très cinéma arrêt, et c'est celui-ci, hein, le MK2 qui était là. Souvent, il y avait 4 salles, c'est vraiment un petit, on sent que c'était sûrement un cinéma ancien, et puis ils ont un peu retapé, etc. Pas celui des Gobelins, là ? Je ne me rappelle plus le nom, mais non, c'est pas Gobelins. Il y en a un vers Bastia, MK2 aussi. C'est un Gaumont. Et donc je suis dans la salle tout ça, donc je regarde le film, tout se passe bien. En plus, c'était un bon film, Carré 35, que je vous conseille, un bon documentaire. T'as déjà parlé ça, je crois. Je sais pas si j'en ai parlé. En tout cas, si vous voulez voir un bon documentaire, n'hésitez pas sur Carré 35. Donc moi j'étais donc dans cette salle, et à un moment donné il y a le générique, et moi j'aime bien rester jusqu'à la fin. Ça c'est grâce à mon ex qui aimait beaucoup écouter les musiques de fin. Elle m'obligeait à rester jusqu'à la fin, donc maintenant à chaque fois j'écoute jusqu'au bout la musique du compositeur ou la musique choisie pour le film. Donc je fais ça, et à un moment donné je fais un truc qui a l'air tout bête, mais je mets mon pied sur le siège avant puisqu'il y a personne, mais je mets pas au dessus hein, je mets juste mon pied comme ça, appuyé un petit peu, tu vois. Et en fait il y a un mec juste derrière, il est arrivé, c'était le propriétaire, il me dit non faut descendre ton pied machin, mais gentiment hein. Et là par exemple je trouvais ça juste, en fait j'étais un peu pas choqué mais surpris, je me dis oui bah, j'ai pas fait grand chose, tu vois, j'ai pas sali le siège, mais en même temps ça m'a fait plaisir parce qu'on sent qu'il est très attaché à son cinéma. Et inversement dans les grandes salles t'as pas un mec qui va venir pour te dire ton pied, ou tu sais, parce que des moments il y a des gens vraiment c'est open bar hein, ils mettent leurs pieds sur les c'est sièges, pas qu'il faut avoir respect. Moi perso l'histoire du pied je le fais aussi, après j'essaie toujours de me caler entre les angles des sièges pour pas que le pied touche vraiment le siège. Après c'est pas qu'ils veulent pas, je pense ils peuvent pas, comme disait Gauthier tout à l'heure, des fois ça sont tellement grandes t'as pas le temps. Mais je suis d'accord avec toi. C'est comme dans le RER. Dans le RER, dès qu'un contrôleur vient, tu as le pied sur la tête, tu risques l'amende. Or, on va pas se le cacher, c'est pas les pieds des gens qui vont toujours dégueulasser les sièges. Les gens, il suffit pas que le siège, il est pas posé à plat complètement sur le siège, il est pas non plus, ils sont pas là avec les chaussures dégueulasses à se décrotter, à se laver sur les sièges. Mais il y a un respect d'autrui qui doit être là, et le mec à son cinéma il se dit bon bah toi tu le fais, tu as du respect, tu fais les choses correctes, ok, le mec derrière il va passer derrière, se trouve il aura une grosse merde de chien sous sa chaussure, et il va s'en apercevoir pour le film, il va se situer sur le siège, et le mec qui passe derrière tu peux t'arriver dans une salle de cinéma, on est plongé dans le noir pendant une heure et demie, s'il y a 3-4 personnes la salle de cinéma au final elle est à nous quoi. Donc après on peut faire, le mec il met son siège, il se fait pas chier, il se fait qu'il a une crotte. Le mec, on parlait des caméras, il va s'essuyer sur le siège, la caméra va pas voir que le mec s'est essuyé sa crotte de chien sur le siège. Donc voilà, c'est faut respecter tous. Moi, je fais les pieds en son siège, je les fais, mais voilà, faut quand même avoir un respect. Mais bon, après, c'est vrai que c'est rare qu'il y a quand même des. Souvent, c'est le soir, mais malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de monde, tout simplement. Mais c'est vrai que ça peut arriver, ça, ces petites choses de la mauvaise éducation, en fait, tout simplement aussi, hein, de personnes par-ci par-là. Par contre, ce que tu disais, c'est vrai. Par contre, c'est bien de voir aussi des mecs qui sont attachés à leur cinéma. Oui, mais oui. Comme c'est vrai que ça fait plaisir. Est-ce qu'on va peut-être se faire les petites news? J'ai 5 petites news, j'ai envie d'avoir vos commentaires, vos avis, ce que vous en pensez. La première, c'est James Gunn. On sait que le réalisateur des Gardiens de la Galaxie 1 et 2, si je ne me trompe pas, ou il a fait que le 2 Il a été viré du 3 parce qu'il y a eu des affaires, etc. Des vieux tweets qui sont ressortis. Des vieux tweets, oui, exactement. Je me rappelle même plus c'est quoi le sujet. On peut même en parler. C'était quoi le sujet? Je crois que c'est même pas. C'était des propos racistes ou des blagues? En fait, je crois que c'était une blague. C'était une blague lourde. Mais je crois, je sais pas si c'était du racisme ou de l'homophobie ou un truc comme ça. Non, je crois que c'était misogyne. C'était de la misogynie plutôt. Je crois aussi. Moi, j'aimerais dire quelque chose. Je trouve que c'est absolument scandaleux. Il faut le dire, scandaleux. De virer James Gunn pour trois raisons. Déjà, c'est des choses qui se sont passées avant. C'est-à-dire que pendant des années, James Gunn a fait les Gardiens de la Galaxie, et encore une fois, c'est parce que ça c'est après que ça enlève tout le truc à l'homme. C'est-à-dire que l'homme a fait les Gardiens de la Galaxie, les deux, les gens, ils s'en foutent. Les gens, ils attendent le 3, et ils attendent que ce soit James Gunn, parce que tu peux pas envisager, nous on sait en tant que cinéphile, que quand un réalisateur change dans une franchise, ça se voit. James Gunn a écrit un script. À la limite, ils veulent le virer parce qu'ils se disent que pour la promotion et tout, ça le fait pas. D'accord, sauf qu'ils ne veulent peut-être, ça c'est encore à confirmer, pas garder le script de James Gunn. Ça serait une grosse erreur. Là aujourd'hui, à cause de ça, pour dire, c'est qu'à un point, c'est que ça remet en cause le troisième volet des Gardiens de la Galaxie. Parce que Marvel, ils ont toujours marché par trilogie, à chaque fois qu'il y a un problème, soit ils ont reporté la date, soit ils ont changé de réalisateur, soit tout ça. Là, ils ont suspendu la production du film, alors qu'elle était quasiment mise en route. Et quand on suspend, c'est qu'à mon avis, on se repose une question. Sachant que Avengers 4 va arriver, qu'Avengers 4, même encore aujourd'hui, je suis sûr que le script il bouge encore aujourd'hui, j'ai peur qu'il clôture les Gardiens de la Galaxie dans Avengers 4. Et que finalement, on reparte sur autre chose, sur autre chose, parce que, on va pas se cacher, les Gardiens de la Galaxie 3 sans James Gunn, c'est pas possible. Ouais. Mais ma petite question, c'était quoi vraiment son c'est un tweet qu'il a publié, et c'est juste pour ce tweet là donc c'était pas même pas un propos. Je crois que c'était même pas il dénonçait quelque chose, je crois que c'était vraiment une blague qui a mal passé. C'est ça qui est bizarre, mais on a l'impression qu'ils ont fait de la prévention. Je te les enverrai les tweets mais c'était, Marvel, ils ont eu peur peut-être aussi, ils se sont dit attends, on va avoir une vous voyez tout ce qui s'est passé avec Tex, il a sorti une blague, c'est un peu du même style en fait, c'est à dire qu'il a fait un truc un peu qui était lourd, donc et un raciste et un homophobe, j'avais un peu de misogynie, d'accord, mais ça fait pas l'homme. Un tweet ne fait pas l'homme. Et surtout quand on est une blague non plus. Surtout quand on est une personnalité une personnalité mais connue à l'international comme James Gunn depuis les Gardiens de la Galaxie, on peut pas mais lui couper comme ça l'herbe sous le pied, lui venir lui raser tout juste pour un tweet. Twitter, c'est en train de pourrir tout le monde. C'est en train de faire chier tout le monde. Là, aujourd'hui, on était face à un mec. Alors, c'est peut-être Marvel Studios, c'est peut-être inspiré d'un comics, mais on était pour la première fois face à une trilogie. Je parle de trilogie parce que le troisième, bien sûr, est mis en route. De science-fiction, si on en oublie le côté Marvel, qui était quand même avec des personnages très originaux, qui était une bouffée d'air frais, un nouvel humour. C'était quelque chose. Honnêtement, je pense que ça serait pas Marvel, ça aurait été l'une des créations originales les meilleures de ces 20 dernières années, je pense. C'est vrai. Et aujourd'hui, on va gâcher ça parce que quelqu'un a fait un tweet un petit peu lourd. Le réalisateur a fait un tweet un peu lourd. Je suis un peu moins emballé sur ce que tu dis sur les Gardiens de la Galaxie, mais c'est vrai qu'il y a eu un nouveau, il y a eu un renouveau dans la franchise. L'humour est arrivé grâce à c'est Marvel Studios. Je préfère Thor 3, bien sûr. C'est eux. Le problème c'est que c'est Marvel Studios. Donc on les met dans les films de super-héros, on les met dans ce catalogue-là. Aujourd'hui, vous prenez Gardiens de la Galaxie sans que ça soit Marvel, que ça soit une création originale. D'ailleurs, on se demande même si quelqu'un aurait pu l'inventer pour un scénario de cinéma. Si jamais le film c'est vrai que c'est large dans l'univers, ça a marché en plus, c'est ça, que vous mettez un arbre qui parle, un raton laveur, enfin des trucs comme ça marche. Mais ma petite news, c'était que il a été viré de Gardien de la Galaxie numéro 3, mais il va peut-être réaliser le Suicide Squad 2. Donc ça, en fait, il va vers la maison en face, quoi. Il va sur DC Comics et puis il va faire c'est le Suicide Squad 2. Alors c'est un peu bizarre, c'est dangereux, c'est un peu une vengeance, non, parce que pour moi, je tiens juste à dire que pour moi, Marvel a fait une prévention, ils se sont dit si on sort ce film avec ce monsieur là avec ce réalisateur, on va avoir des soucis après, il y aura une polémique et puis le film il va en prendre plein les coups, donc ils ont peut-être préféré un peu faire attention à leurs arrières. Je pense pas que ça soit une sorte de vengeance, parce que je pense que James Gunn, si jamais je pense qu'aujourd'hui il espère encore un peu pouvoir être repris par Galaxy 3. Rien n'est perdu puisque rien n'a été confirmé aujourd'hui, rien n'est perdu. Après, pour Suicide Squad 2, il faut aussi comprendre que c'est une porte de secours. Et DC Comics a entièrement raison. Aujourd'hui, DC Comics est comme ça avec son univers. Mais, mais James Gunn est un très bon réalisateur. Et Suicide Squad, c'était un film qui avait quand même beaucoup de potentiel. Ils avaient loupé beaucoup de choses. C'est un film, même pour une suite, ça peut encore avoir du potentiel. Faire quelque chose, ouais. On peut encore faire quelque chose Suicide Squad. Et James Gunn peut apporter quelque chose. Donc voilà, moi, le réalisateur, c'est pas une mauvaise idée. Après, effectivement, DC Comics, eux, ont super bien joué leur coup parce qu'ils sont en débat récolté des réalisateurs chez Marvel. Ils ont bien fait, surtout qu'ils prouvent aussi qu'avoir James Gunn dans son équipe, malgré les tweets, c'est pas non plus handicapant. Voilà, Marvel a fait une grosse bêtise et ça se ressent d'ailleurs sur l'équipe. Hein. DC Comics, il prend la mise, quoi. Il récupère la mise. DC Comics, les premiers, hein, je parle des premiers parce qu'on va s'arrêter à Justice League. Batman contre Superman, Suicide Squad, malgré que les critiques ou les trucs, ça a été des films qui, au box-office, ont beaucoup marché. Donc, À part Justice League. C'est pour ça que Suicide Squad, on peut envisager de faire une suite. Autant que d'autres films comme Venom, si ça se trouve Venom va faire des bons scores, j'ai vu que les premières critiques n'étaient pas très bonnes, si ça se trouve on va faire la suite. Mais en ce qui concerne James Gunn, lui, Suicide Squad, c'est le parfait format, c'est le parfait film à réaliser, surtout si on se fait virer. Maintenant, s'il est chez DC Comics, il ne reviendra pas chez Marvel. Ouais, bah ça, c'est et sûr. Ça, le problème, il est là, c'est que Dave Bautista, alors il ne le fera jamais, hein, cet acteur Dave Bautista, mais c'est vrai que quand on voit son rapport avec la presse, il le dit, je n'ai pas envie de faire les Galaxy 3. Star-Lord, là, celui qui joue Chris Pratt, il a mis un peu de temps à en parler, mais lorsqu'il a un peu parlé de cette affaire, il l'a dit aussi, c'est une bêtise, ça ne sera pas pareil. Il veut faire un peu un... Donc je pense que DC Comics, ça va se faire en beaucoup de poker, par rapport à Marvel. Mm. Bon, on verra bien parce que c'est pas encore signé, mais bon, Suicide Squad 2 qui est intéressant, parce que ce qui est intéressant avec DC Comics, c'est que là ils sont en train de prendre un nouveau chemin avec le Joker, là, avec Joaquin Phoenix. Ils sont en train de recréer un peu d'autres univers, un peu parallèles, un peu film, pas film d'auteur, mais on est dans un style beaucoup plus travaillé, beaucoup plus... Après, savoir s'ils vont vraiment tout combiner à l'univers... est-ce que le Joker de Joaquin Phoenix va être dans l'univers, sachant qu'il y a déjà un Joker? Non. Alors je crois que ce que j'ai vu, ce serait séparé, mais ils vont créer comme deux univers un peu parallèles. Ça va faire comme Venom, je pense. Après, ça c'est possible, parce que dans les comics, il y a plusieurs Jokers, enfin... Bah oui. Après, c'est pour mettre un point sur le DC Universe, là il est complètement pourri, ils ont viré Henry Cavill... Ils veulent prendre un acteur noir pour Superman. J'ai rien contre les acteurs noirs, mais Superman, enfin, au bout d'un moment, faut pas non plus exagérer. Je suis d'accord, Ben Affleck, moi personnellement, les gens l'ont pas aimé. Moi, il m'a pas dérangé en Batman. Il y est plus non plus. Ils ont totalement abandonné. Alors c'est vrai que passer après. Superman Black, ils ont vu Black Panther, ça a marché. J'ai l'impression qu'ils veulent surfer dessus, moi. Ils veulent aussi faire. Mais si aujourd'hui on prend un acteur blanc pour faire Black Panther. Là, ça passerait pas. Ça gueule. J'ai rien contre les acteurs noirs, j'ai rien qu'on leur donne de l'avantage. Nick Fury, c'était un personnage blanc. Aujourd'hui, c'est Samuel Jackson qui joue le rôle. Après, parce que dans Superman. Dans Spider-Man Ultimate, dans les Ultimate, Nick Fury, dès le début, était renoir. Ils ont pris Samuel Jackson pour faire le perso dans les comics. C'est pour ça que c'est lui dans les films. C'est vrai que c'est une bonne. Mais du coup, déjà Superman Black. Et ils veulent aussi faire les Teen Titans avec Starfire qui serait Black aussi. Oui, mais alors là c'est compliqué parce qu'ils veulent faire Teen Titans, mais ils font une série Teen Titans là avec Robin et tout ça là. Ouais, c'est ça. Donc c'est cette série là qui est déjà faite. Et ils vont la faire et Starfire, c'est d'accord. Ça j'ai vu la bande annonce, c'est pour ça j'ai vu un genre de teaser. Starfire, c'est plus une planche. Bon, elle est peut-être un peu mate de peau. C'est ça qui est marrant avec DC Comics, ça marche super bien en série, mais alors en film, ils se prennent des branlées critiques. Comparé à Marvel, des catastrophes. En série, l'univers partagé, c'est DC Comics qui l'a réussi. Marvel n'y a pas réussi. Il a essayé les Angel of Shield, Agent Carter, des trucs dérivés. Mais ils ont essayé surtout avec les Defenders. Oui, là, ils ont réussi avec ça quand même. Defenders n'a plus pas été moins, un succès. Daredevil, gros succès. Jessica Jones, succès. Luke Cage, moindre succès. Ouais. Et puis pour finir, Iron Fist, échec. Ah, échec. Mais même moi, ils ont été comme fan de super-héros. Là, j'ai un t-shirt Batman. Ils ont fait ça. Bon, même si c'est Marvel, Iron Fist, je me suis arrêté au 8e épisode. Ils vont continuer les séries individuelles, mais Defenders, je suis quasiment sûr qu'il n'y aura pas de saison. Il n'y aura pas de saison de Defenders. Okay. Pourtant, dans les comics, c'est intéressant. Le Arrowverse, il marche encore. Et pourtant, Arrowverse, j'ai l'impression que c'est toujours la même chose. C'est répétitif aussi. De toute façon, on va laisser la chance au produit. Suicide Squad 2, moi j'ai envie de dire pourquoi pas. En plus, on change de réel et on change de script. Par contre, Marvel ont entamé une série d'ailleurs que je conseille, ça s'appelle Cloak and Dagger, donc c'est des personnages très connus. Et ça a une très bonne critique. Donc la série est. Faudrait que je regarde. Autre news, un univers totalement différent, on n'est plus dans les films d'auteur. Call Me By Your Name, qui est un film qui a. C'est oui, le 2, exactement, la suite. Et c'est un film qui a énormément marché au niveau critique, mais en plus, on en avait parlé, il n'y avait pas eu beaucoup de promos en France, je veux dire. On n'en a pas beaucoup parlé en France, c'était un peu film discret. Il a eu un Oscar pour le meilleur scénario, égalité avec un autre film, je crois, en plus. Et donc, ils vont faire une suite. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que quelqu'un l'a vu déjà autour de cette table? Tu n'as pas vu, mais de ce que j'ai entendu, moi, j'aurais pas fait. Tout dépendra du message lancé. Je pense que le 1 défendait un message bien précis. Ouais, si c'est un autre message, pourquoi pas. Faudrait qu'il y ait un vrai message, parce que bah, c'est là, vrai c'est avec Dakota Johnson, sûrement. Celle qui jouait dans 51 degrés. Ah, donc c'est pas la même. Non, non, c'est la suite, mais après. Ce sera peut-être une histoire entre deux filles. Ouais. Peut-être ça. Ah non, je pense pas. Non, non, je pense vraiment on va garder les personnages. Mais je pense que c'est sur vraiment la sexualité. Bah, la sexualité. Plutôt le sentiment amoureux du premier personnage, le personnage principal. Je sais pas. Le jeune. Vu les critiques du film et ce qu'on m'a dit et tout, moi j'aurais laissé un seul film. C'est vrai que c'était sur. Ouais, un seul film, c'était je ne l'ai pas vu, mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un film très seul. J'ai ouais, un solo, il quoi. A pas besoin c'est de un suite, film ouais. qui n'a pas. Bon, on verra bien. Après, faudrait que je le regarde pour être sûr, mais ouais. Moi je pense qu'il a pas besoin de suite. Après, je sais que ça. Je crois que c'est adapté d'un roman, donc après, est-ce que. Il faut voir. Il faudrait vérifier. Bon. Le 1 était pas mal et je pense qu'un 2 n'est pas nécessaire, mais s'ils réussissent bien à faire passer le message comme le premier, ça peut le faire aussi. Après, il y a Intouchable chez les Ricains aussi qui arrive. Attention, petit débat, James Bond en femme, est-ce que vous dites oui ou est-ce que vous carrément, dites non ? Pourquoi pas ? Bah oui. Non. Pourquoi non ? Non. Parce que. Le chauvin. James Bond. Alors, avoir un personnage équivalent à James Bond, un film équivalent à James Bond, essayer de créer un personnage de la pop culture avec un James Bond chez les filles. Non, moi je suis d'accord, parce que pour moi James Bond c'est un nom de code en fait. C'est pas vraiment. Bah, moi justement, j'aimais bien ce côté de James Bond parce qu'il y avait un côté qu'on retrouvait, c'était aussi un peu la difficulté, c'était qu'à chaque film on retrouve le James Bond, qu'on retrouve la James Bond girl aussi, qui était généralement qui volait la vedette aussi un peu. Mm-hmm. Et c'était toujours remettre ça et toujours se réadapter. On sait que quand par exemple Sophie Marceau a joué une James Bond girl, à la fin, on découvrait que finalement c'était elle la méchante. T'avais des twists, t'avais des choses comme ça. Ouais, mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi l'image et, parce que là, on a un élan très féministe en ce moment dans, l'univers du cinéma. Et est-ce que c'est pas un message aussi un peu féministe? Mais vraiment, c'est pas péjoratif, hein, c'est vraiment juste la réalité. C'est vrai qu'il y a cette vague-là, on se dit oui, il y a eu SOS Fantôme avec des femmes, il y a eu plein d'autres films. Bon, c'était peut-être le meilleur exemple. Moi, justement, moi je pense qu'il faut créer le personnage. Faut pas prendre un James Bond et le faire en fille. Parce que regarde, Ghostbusters, ça n'a pas très bien marché. Lara Croft qui est sortie l'année dernière, ça marche pas très bien. Les filles en fille. Ça marche, mais ça marche pas. C'est-à-dire que après, c'est pas parce qu'il y a un film qui a marché. Je pense qu'il y a un petit coup de gueule, si tu veux dire. Si je peux me permettre juste, et je te laisse continuer juste après. J'ai un petit. C'est vrai que le rôle des femmes dans James Bond, c'est pas le plus grand rôle du monde. Je me rappelle de Spectre avec Monica Bellucci. J'adore cette actrice. Elle est fabuleuse dedans. Elle est là 2 minutes et James Bond, il couche avec et puis voilà. Non, mais je suis toujours son rôle. Alors, fait ça. Pour et c'est, moi, ça m'a. Pour les derniers, choqué, c'est quoi. Vrai. Mais pour les derniers, c'était un peu. Il fallait qu'on remixe le personnage de James Bond. Non, mais même les personnages féminins, c'est un peu potiche. À l'ancienne, par exemple, quand on GoldenEye, ou alors je sais plus c'était lequel avec Sophie Marceau, le personnage féminin avait une très grande place, c'était même l'enjeu. Mais toujours comment je peux dire ça, il y a toujours une supériorité un peu masculine quand même tout le temps. Ah, tu me diras oui, le personnage est masculin, mais tu comprends ce que je veux dire. Moi, en tout cas, Ocean 8, ça a pas été un grand succès, tu vois. C'est faut pas prendre un personnage et se dire lui on va le faire en fille. C'est faut prendre une fille et se dire cette fille là faut qu'on crée un personnage qui va ressembler à cette personnage, tout ça. Pour moi, vraiment, James Bond, c'est vraiment un nom de code. C'est 007 est un nom de code. Ouais. Mais oui, non, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Mais ouais, non, je peux comprendre. Mais moi, je suis plutôt pour et aussi. C'est bien, pas étonnant qu'ils essayent. J'y crois bof. Aussi, ils voulaient faire Idris Elba en tant que James Bond. Moi, j'aurais bien aimé aussi. Tiens, d'ailleurs, j'ai sur Idris Elba. C'est un truc de ouf. Il aurait été très bien. Pas un truc de ouf. Tu me diras juste après la fin de toutes les news. Ah non, je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait, mais ça aurait été juste. Mais par exemple, si on crée un personnage 006 et puis c'est un peu la. Ah ouais, là, pourquoi pas. Quand je dis ça, moi, c'était sortir de l'univers James Bond. C'était vraiment créer un personnage. Vraiment créer un truc vraiment avec une fille. Vu qu'il y a plusieurs agents, ça peut être intéressant. Voilà, moi, je suis d'accord que ça devienne fille, mais par contre, c'est vrai que j'en ai marre qu'ils reprennent les trucs qui les transforment en fille. Moi, j'ai trouvé ça très fort. Féminin, on peut dire un peu. Moi, j'ai trouvé ça très fort. Par exemple, on a connu James Bond pendant 20 films. Daniel Craig, il arrive encore à nous surprendre et on le change. Et le mec, il boycotte son martini, il passe au whisky. Il y a toujours des petits trucs qui font qu'on redécouvre le personnage James Bond et le personnage est un centre. Après, il y a un truc pourquoi je suis d'accord, ils ont changé garçon pour forcément fille, et là je trouve que ça colle très bien. C'est Doctor Who, la prochaine, c'est une sera une fille. Franchement, là je suis d'accord. Parce que le docteur, je pense que vous connaissez le principe, à chaque fois ça change. Mais j'aime regarder la dernière, c'est vrai que ils ont une explication pourquoi à chaque fois ça change de docteur. C'est un pouvoir du temps, ils ont pouvoir du temps et ça change à chaque fois de docteur. Ouais, donc et ça devient une fille, moi je suis complètement d'accord. Ouais. Petite news suivante. Ah oui, donc juste pour dire que la productrice dit non. Hein. Donc de toute façon, ça se fera pas. Donc Que je vous le dise. Voilà, c'était une remise en question. Mais bon, la productrice veut vraiment un peu comme toi, plutôt un truc authentique. Et puis si le personnage est masculin, on le garde masculin. Après, effectivement, comme dit Gauthier, faire un nouveau truc. Surtout qui gâche. Moi, je suis désolé. Ocean 8, quand on commence Ocean 8 et que la meuf se dévoile comme quoi elle est la sœur du mec des premiers, oui, ça, mais qu'elle annonce que le mec est mort au bout de 3 minutes, tu dis il y a pas d'intérêt. Tu t'attendais à avoir un caméo, la meuf a de boycott tout. Ah oui, bah, non, je suis d'accord. Tu dis, à la fin, pourquoi ce film-là, alors que le casting est génial. Et tu dis, tu prends ce casting-là, tu sors de l'univers Ocean 8, tu essaies de faire un film de braquage avec des filles sans sortir de l'Ocean 8, il aurait marché le film. Moi, je suis à moitié d'accord. Parce que les gens, ils s'attendaient à l'univers Ocean 8 et ils ont retrouvé l'univers Ocean 8. Parce que le film, j'ai bien aimé. La mécanique est là. Non, j'ai bien aimé. Justement, c'est ce que je te dis. Mais parce que les gens s'attendaient à l'univers Ocean 8 et qu'ils n'ont pas retrouvé l'univers Ocean 8, ils n'ont pas aimé. Alors que le film, si tu prends le même, mais que tu sors de l'univers 8, tu t'enlèves toutes les références à l'univers, tu prends vraiment le même casting et tu fais un film de braquage avec ces filles-là, le film aurait marché. Je suis d'accord parce que j'ai bien aimé, mais après je les compare aux autres et je fais bah non, c'est les gens veulent trop. Et on est d'accord que la fin est très bizarre parce que l'effet un peu caméo et qu'il n'y a pas de caméo, c'est très bizarre. Si, bah, le seul caméo, c'est. Non, mais la dernière scène, il y a un effet un peu, il va arriver et puis non. Ben non, parce qu'au début ils te disent qu'il est mort, donc il est mort. Non, mais il y a un doute justement. Ils jouent sur ça, ils ont fait revenir le petit asiatique, je sais pas le nom de son acteur, qui est contorsionniste. Ah là, oui, dans les il était là, oui. Et c'est un peu le petit coup de sourire quand tu le vois dans le film et voilà. Okay. Mais ouais. Après c'est vrai que étant donné qu'il y a un des acteurs qui était mort dans la première, je sais plus c'était lequel, un des acteurs qui est décédé dans la trilogie originelle. C'est pour ça qu'ils en refont pas d'autres avec les personnages. Ils ne veulent pas refaire la trilogie. D'accord. Avec puisque ça je savais pas. Tu peux te retrouver cet acteur. News suivante, La vérité si je mens 4, préquel. Le tournage va bientôt se faire et la sortie sera le 16 octobre 2019, donc dans un an. Franchement, est-ce que c'est une bonne idée? Moi, je me serais arrêté au bout d'un moment. Faire un préquel, surtout en fait. On s'en fout un peu, oui. Je pense qu'il y a des fois les licences, faut les laisser tranquilles, faut partir sur autre chose, faut pas. Après, je vais aller le voir parce qu'il y a un acteur qu'on a interviewé au Festival Kinema qui s'appelle Michael Lumière qui a réussi à avoir un rôle important dans ce film-là. Donc je vais voir pour cet acteur-là. Pourquoi, en fait, moi c'est même pas. Le 4, moi c'est préquel. Pourquoi un préquel ? Ouais. Parce que déjà, ça joue sur des clichés. Parce que c'est le principe de La vérité si je mens. On prend des clichés sur la communauté juive, on en fait des caisses, et on en rigole, mais avec un ton toujours décalé, de second degré, etc. Là, je comprends pas pourquoi on va les rajeunir pour parler d'une époque déjà qui n'est pas la nôtre. Bon, ok, pourquoi pas, mais on va parler sûrement des années 80 ou 70-80, plutôt 80. Et même 70, ouais, t'as raison, 70 et 80. J'ai envie de dire, mais pourquoi ? Bah, je veux dire. Franchement, quel est l'intérêt ? C'est peut-être pas une mauvaise idée, mais c'est vrai qu'on comprend pas trop la branche. Est-ce que c'est pour faire une nouvelle trilogie peut-être ? La seule explication que je vois, quand on va regarder les trucs, le commencement ou je sais pas quoi, c'est généralement de voir, et ce qui nous fait aussi sourire pendant le film, c'est de voir un peu les clins d'œil, les références, et de se dire, on voit cette scène-là dans le film, ah mais oui, mais ça en fait c'est en train d'engendrer les événements qu'on a vus dans le deuxième film, tout ça, ça fait plaisir. Moi, par exemple, Black Widow, le film de Marvel qui est en train de prévoir, et on a vu le film va tourner un peu de ça, que avec des références, avec des choses comme ça, qu'on a tenu tout le long de la saga. Aussi, si finalement, ils le font comme ça, le film, que finalement, ils mettent l'humour de la vérité, si je mens, avec les références, les petits clins d'œil de la trilogie, ça peut marcher. Ça peut le faire. Ouais. Ça sera peut-être pas du grand cinéma, mais les gens kifferont. Parce que les gens kiffent la vérité, si je mens, et les gens kifferont voir les références. Tu penses qu'ils vont faire une nouvelle trilogie ? C'est possible, si ça marche, ils vont faire un 4, un 5, un 6. Ils peuvent, oui, ça m'étonnerait pas, mais je crois que c'est inutile. Un préquel, peut-être, mais inutile. Un seul suffit. Mais moi, ce qui me choque un peu, c'est que le 2, il est totalement mythique et vraiment hilarant, et les acteurs sont formidables dedans. José Garcia, Gad Elmaleh, parce qu'il est dans le 2, et puis d'autres, j'ai Richard Anconina, etc., donc toute la bande. Et le 3, bon, c'est pas qu'il a bien marché, je crois qu'il a fait un score plutôt. Il est pas nul le 3, sympa. Mais il était pas. Mais c'était pas, voilà, c'était pas à la hauteur. C'était du surplus, quoi. On a rajouté 2-3 trucs et puis voilà. C'était un peu. Et puis le casting n'était pas en plus génial, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a Hanouna, faut arrêter de prendre Hanouna des castings parce qu'il est. Faut arrêter de prendre Hanouna des castings parce qu'il est populaire. Arrête. Moi j'ai rien contre lui. Je l'aime bien, des fois il fait des apparitions dans des trucs YouTube et tout, lui offrir un vrai rôle au cinéma. Moi j'ai trouvé que ça passait. Moi c'est pas, je suis pas. Après, il n'a pas un gros rôle, mais moi j'aime beaucoup cet homme parce que il est très. Il représente quelque chose quand même dans notre société actuelle. Moi j'aime bien, c'est qu'il est polyvalent. C'est le genre de mec que tu peux retrouver à la fois sur YouTube, à la fois à la télé, à la fois au cinéma, Et je trouve en plus que dans le 3, il a un rôle qui est intéressant et qui est absolument pas développé. En fait, c'est pas de sa faute, c'est juste qu'on n'avait pas développé. C'est ça. Je trouve pas ça une mauvaise idée. Ils l'ont mis pour mettre Hanouna, c'est tout. C'est voilà. C'est peut-être aussi. Parce qu'on va le dire aussi, mais parce que la proximité aussi, parce que c'est quand même un. Moi, je sais pas, peut-être que je dis des grosses conneries, mais on sait qu'il est quand même animé un talk show qui fait des audiences incroyables chaque soir. pour les promotions des films, c'est aussi bon, tu vois. Oui, oui. Et mais il est pote aussi avec José Garcia et tout Ça. Il est pote avec José Garcia, Vincent Elbaz. Par contre, je sais que lorsque Vincent Elbaz était venu sur le plateau, et je crois que c'était pour La Vérité si je mens, C'était pour Daddy Cool. Moi, je crois que ça s'était pas bien passé. Bah, il était pas dans le gage. Ouais, je crois que Vincent Elbaz, il était pas dans le truc, et je crois que c'est passé. Et je crois que Hanouna, ça l'a un peu. Mais c'est une histoire en plus, tu vois. Son rôle dans La Vérité si je mens, il est bien. La Vérité si je mens 3, il est bien. Ah non. Mais par rapport à la, il est la bien, franchise, t'es encore très gentil. Moi, je veux pas être méchant, mais je suis pas sorti. Ils sont passés à côté de quelque chose. J'étais pas sorti. Le ciné, comme le truc. Hein, on est même plus dans. On sait pas trop ce qu'on regarde. En fait, c'est un peu hybride. On retrouve les personnages. Bah moi, j'avais. C'est ça, c'est le plaisir de retrouver les personnages. Mais c'est un peu forcé en plus. Finalement, c'est pas l'intérêt aussi de faire un 3, donc comme Camping 3, c'est pas finalement plus retrouver les personnages. Moi, quand je vais voir Camping 3, quand je vais voir La Vérité si je mens 3, j'y vais pas pour voir un grand film de cinéma. J'y vais parce qu'on va retrouver les personnages qu'on a aimés. Je sais très bien que Camping 3, je sais très bien. À la 2, bah moi. Je plaisante, on en parle. Mais ça, par contre, comme on en a parlé un peu tout à l'heure, la différence de la 2, c'est que c'est beaucoup par groupe. C'est-à-dire que la team, tu peux la retrouver dans d'autres films, des films complètement opposés. Et que, voilà. Donc il y a un sentiment. Est-ce que tu peux nous dire le nom de l'acteur qui est décédé dans Ocean Eleven? C'est Bernie Mac. D'accord, donc alors, pas son âme, mais c'est vrai que sa tête est connue. Alors, vous pouvez regarder ça chez vous. Il est mort alors en 2008. Ouais, c'est discret, hein, ils ont pas trop. Il est mort donc en 2008, donc il est surtout connu pour avoir joué Frank Caton dans la trilogie des Ocean. Donc, c'est vrai qu'il avait joué dans les trois. Il est mort d'une pneumonie aiguë en 2008. Et suite à ça, étant donné qu'ils étaient vraiment un esprit de groupe, qu'on a retrouvé, même les chants du 1 qui étaient revenus à chaque fois, ils ont voulu arrêter. Et je pense que pour le coup. C'est très bien. Je pense que c'est bien parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les trilogies qui restent uniques, qui n'ont pas eu de suite, qui n'ont pas eu de reboot, qui n'ont pas eu de remake, qui n'ont pas eu de rien, restent les meilleurs. Je vous prends Retour vers le futur. Rien n'a gâché cette trilogie. Ocean, alors il y a eu Ocean 8, ils ont pris d'autres gens. Il parlait de faire une suite. Enfin, c'est pas sûr. Retour vers le futur. Et quand le réalisateur Zemeckis, il sera mort peut-être. Mais pour l'instant, je pense qu'ils l'auront pas. Mais Ocean, c'est pareil. J'espère bien. Dernière news, et après, tu nous vas raconter une petite news aussi sur Idriss Elba. Parce que là, on est sur une heure de news, mais c'est pas grave. On débat et c'est ça qui est très important dans cette émission. C'est le film Barbie. Alors là, gros point d'interrogation. Donc, on s'est renseigné. Donc, c'est une comédie parodique féminine. Voilà. Wow. Donc déjà, je suis rassuré parce que si c'était un film sérieux, on aurait été un peu. Bah, ils auraient pu faire aussi sur le créateur de Barbie. La créatrice de Barbie. Là, de ce que tu me dis, ça me fait penser à La Vengeance d'une Blonde. Enfin, c'était déjà Barbie pour moi, La Vengeance d'une Blonde en fait. Ouais, je peux comprendre. Mais là, franchement, ça va être avec Margot Robbie. Donc j'imagine qu'en fait, elle va jouer une poupée et qu'il va avoir... Ça va être un peu Toy Story en live, quoi, peut-être, non? Ouais. On est dans ce délire là. Moi, quand je dis féministe, c'est vrai que je vois plus un scénario dans le sens où Barbie va sortir, on va parler autour de tout ce qui concerne la poupée Barbie, l'impact qu'elle a eu, ce que les filles trouvent, parce que ça, on sait qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui critiquent la poupée Barbie parce qu'on trouve que ça donne un air aux jeunes filles, tout ça, voilà. Ça peut peut-être tourner autour de ça. C'est d'actualité, c'est un truc comme ça, et Barbie, je pense que c'est le meilleur personnage qui peut défendre un sujet en comme ça. En tout cas, les producteurs, ils essayent de choper Patty Jenkins pour réaliser, donc la réalisatrice de Wonder Woman. Donc ça peut être un film un peu rigolade en fait, hein, un second degré, un peu comme Charlie Mordecai avec Johnny Depp où il faisait vraiment un truc totalement à l'opposé de ce qu'il faisait avant. Moi, il y a un truc que je suis pour dans le cinéma américain, notamment aujourd'hui, c'est que vous voulez prendre une fille comme héroïne, prenez une réalisatrice féminine. Il y en a pas assez, ils l'ont fait avec Wonder Woman, ça a marché. Je sais qu'ils ont voulu le faire avec Black Widow et je sais pas s'ils l'ont trouvé, mais à tous les coups ce sera une réalisatrice aussi. Captain Marvel, c'est une réalisatrice. Mais c'est vrai con, que mais les hommes, il y a un intérêt, il y a un intérêt pour une fille. Quoi qu'il y ait mieux qu'une fille, pour une fille, que d'avoir la vision d'une fille héroïne. Bah non, parce que déjà imaginer garçon, le héros, tout ça là, mais on s'est toujours imaginé une vision masculine. Quoi de mieux qu'une fille pour imaginer une fille, quoi, pour mettre en valeur une encore fille. Encore aujourd'hui, les hommes ont du mal de cases, mais je comprends ce que tu veux dire. Je dis pas qu'un homme ne peut pas. C'est plutôt un profit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va en profiter pour en mettre en avant. Mais voilà, c'est comme pour les réalisateurs, c'est comme Black Panther, on met un réalisateur noir. Mais oui, il faut. Mais c'est bien, mais ça permet c'est, de. Ça permet, voilà, de. Pour les minorités, un peu de les mettre en avant. Bien sûr, t'as tout. Surtout qu'en plus, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu très peu d'erreurs. Ryan Coogler avec Black Panther, il a marché. Wonder Woman, ça a bien marché. Je suis totalement d'accord avec toi. Quelle est la petite news sur Idriss Elba? Alors Idriss Elba, c'est une petite news, ça fait déjà quand même quelques temps à lire, mais c'est vrai que j'avais pas eu l'occasion d'en parler. Fast and Furious, donc on sait le gros succès qu'a la saga Fast and Furious, et elle va être dérivée en spin-off. Donc avant le prochain Fast and Furious, Statham et Rock, non et y a, donc je crois que le film devrait s'appeler Hobbs et Shaw. Voilà. Hubs and Shaw. C'est The Rock et John Statham qui, on a vu qu'il y avait quand même une petite alchimie qui avait été créée. Dans le dernier. Là, ouais. Et donc ils vont s'affronter dans un spin-off qui sortira en 2019. Et le grand méchant de ce spin-off, c'est Idris Elba. Donc les deux, voilà. Donc on va avoir un film. Donc il y a quand même un film pour, ouais, les, pour les gens. Non, mais après, voilà, c'est dérivé. Déjà que Fast and Furious, on sait que Fast and Furious, c'est des Fast and Furious. Maintenant, avoir un casting où tu vas avoir de la baston, tu vas avoir des trucs comme ça. Tu sais avoir Statham, Hobbs et Idris Elba réunis. C'est la castagne. C'est la castagne. Ça, je pense que ça. Pourquoi pas ? J'aime beaucoup Idris Elba. Faut savoir que quand même, quand The Rock a intégré la saga Fast and Furious. Là, les chiffres du box-office sont montés. Quand Jason Statham est arrivé, c'est là où on a commencé à atteindre le milliard et tout. Donc, oui, direct. Je m'étonne. Donc, faut pas se leurrer sur les grosses stars, quoi. Bon. Fini pour les petites news. Est-ce que ça vous dit de faire mon petit jeu? Ouais. Est-ce qu'on peut allumer les lumières dans le studio? Oui. Parce que là, ça commence à faire sombre. Tommy, tu peux te lever. La lumière est juste en dessous de ce gros panneau qui est le, derrière le porte-manteau. Je t'en prie. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais ça fait un petit effet intime, tu sais. Ouais. Ça fait un peu genre. Moi, j'ai toujours rêvé de faire ça. Bon, je raconte un peu ma vie, c'est un peu petite parenthèse. Mais j'ai toujours rêvé aussi de faire une émission très tard le soir. Pas type libre antenne, mais plutôt peut-être même cinéma. Et tard le soir, un peu avec une petite lumière, tu sais. Un peu quand tu discutes, ouais, avec des amis, quand il est minuit. On pourrait faire un. Bon, après, si tu veux, pour le logement, on pourrait s'arranger. Mais on pourrait faire un spécial Halloween qui arrive bientôt là. Enfin, mais c'est une très bonne spécial idée. Spécial mercredi 31, on prend Halloween qui sort. Et Halloween qui sort. Et moi j'attends Halloween. Et ben voilà, mais on fait un spécial Halloween. On fait un spécial Halloween. En plus, il y a plein un spécial film d'horreur. On va pouvoir. Non, parce qu'on peut parler aussi de plein de films qui traitent. Parce qu'on sait que. On fait une émission de 4 heures. Chair de poule 2, il va sortir. On sait qu'il n'y a pas de. Mais ça va parler d'Halloween. Et on sait que le grand public va aller voir Chair de poule 2 parce que ça parle de bien sûr. On parle aussi de films d'avant et tout. On se fait un spécial Halloween à Halloween. Ouais. On va pas le faire à Pâques, hein. On fait ça chez qui? Chez moi, y a pas de soucis, j'ai la place chez on ma fait grand-mère. Ça chez toi, on ramène quelques micros et puis on fait ça en. Alors, je pense qu'on le fera en podcast, après on le postera le lendemain soir. Donc on fera ça la veille d'Halloween, hein, parce que sinon ça marchera pas. Et on fera ça le lendemain soir, on mettra ça en direct sur Webset Radio, comme ça ce sera plus simple pour nous. Et moi je fais venir Jamie Lee Curtis. Ok. Y a pas quelqu'un de plus récent ou pas? Non, je plaisante. Mais j'aime bien. Non, mais j'aime bien. Moi, j'ai mis Lee Curtis. Non, mais c'est vrai qu'à un certain âge maintenant, elle a quoi, 60 ans? Ah bah ouais, bah regarde, les gens ils l'attendent dans Halloween. Ah ouais, mais moi aussi. Elle avait 20 ans le premier Halloween, bah t'as vu. Mais c'est normal. Après, elle est. Mais après, sans lui manquer de respect, c'est vrai que malheureusement, c'est un peu la saga qui lui a collé à la peau, quoi. Mais en même temps, je pense qu'elle assume, hein. Ouais. Elle a joué dans une série il y a quelques années. Elle a joué dans des grands films aussi, je pense qu'on peut chercher. Je sais plus comment s'appelait la série qui a bien marché. C'était une série horreur, pareil, ça cher. C'était pas Scream, je crois que c'était encore un autre truc. Scary machin, non? Scream Girl, c'est là-dedans. Avec Léa Michel. Ouais, c'est ça, alors. Elle jouait la directrice de tout ça. C'est ça. On lui colle le truc des films. Mais en tout cas, mais c'est une bonne idée. Mais j'aime bien parce que. Oh, qu'on dans là, aussi, allez, j'aimais bien c'est avec fait. Schwarzy. C'est signé. Ouais, je peux pas faire venir Jamie Lee Curtis. Hein, c'est, non, mais je sais, non, mais t'inquiète pas. Là. Je pense que les gens ne sont pas naïfs face au pas. Non. Est-ce que ça vous dit de faire le petit jeu? Alors, le jeu est très simple. On fait 5 manches, ok? On va jusqu'aux 5 manches, même si on sait qui va gagner. Le but est très simple. Ça s'appelle le fight. Je vous donne le nom d'un acteur ou d'une actrice. Et j'arrive pas à parler ce soir. Chacun à votre tour, vous allez vous allez dire le titre d'un film dans lequel il joue ou elle joue. Vous avez 15 secondes à chaque fois. Bon, répondez au tac au tac, comme ça vous mettez un peu de pression. On mélange de l'acteur français, de l'acteur américain, de l'acteur un peu partout dans le monde. Ah oui, après je vais vous dire, il y aura 5 acteurs. Le premier qui a plus d'idées. Il y a 5 acteurs ce soir. Donc on fait acteur par acteur, donc chaque manche pour un acteur, et celui qui n'a plus de réponse à me donner. Alors je n'aide pas. Hein. D'accord. Je vraiment. Non, je n'aide pas. Et peut-être. Allez, un petit indé. À droite, une aide par manche, d'accord. Une aide par manche. Ok. Et par personne ou un indice? Par personne. Un indice par personne. Ok. Est-ce qu'on est parti? C'est parti. On commence avec Hugh Jackman et on commence avec Gauthier. Tu peux faire au plus simple. Est-ce que je peux juste poser une question? Vas-y. Quand par exemple un des acteurs. C'est une saga par exemple. Voilà. Est-ce que tu peux dire chaque épisode? Chaque épisode. Oui. Bon, on se les fait tous. Allez, c'est parti. X-Men. X-Men 2. Oui. X-Men 3. Oui. Wolverine Origins. Allez. Wolverine 2. C'est donc, le combat des mortels. Oui. Wolverine. Des immortels. Ouais. Des immortels, je crois en plus. Non, le combat de l'immortel. Ouais. Ah, c'est le combat immortel. Quête de l'immortalité. Wolverine, Old Man Logan. Enfin, Logan tout court. Bah, Logan. Logan. Donc, X-Men, alors que je me trompe pas, Day of Future Past. Très bien. Ensuite. C'est quoi, Tesh Shaman? Non, c'est bon, t'inquiète. The Greatest Showman, très bonne réponse. Apocalypse. X-Men Apocalypse, il fait une petite apparition. Ah, c'est vrai qu'il est dedans. Bah, ça marche. Tommy Australia. Oui, avec Nicole Kidman. Les Misérables. Oui, très bonne comédie musicale et très bon film que je conseille. Tommy. T'es dans plein de films et je suis en train de bugger. Vas-y, t'as 15 secondes. Un petit indice peut-être. C'est toi qui prends l'indice. Hein. Vas-y, vas-y. Magie. Merde, comment il s'appelle? Ah bah après je peux pas aider plus. Hein. Prestige. Oui, bonne réponse. Gauthier. Le problème c'est que si je donne mon indice et que j'ai plus d'indice, je sais pas comment je vais faire. Alors attends, je réfléchis. Oui, c'est bon, j'ai. Tu veux un indice? Ah oui, je sais pas si tu l'as vu. T'as envie de skier avec moi? Oh, je l'ai. Tu l'as pas vu, je pense. Attends, je vais donner autre chose. trois mondes parallèles. J'aime bien le. T'as envie de skier trois avec mondes moi parallèles. Non, mais parce que. Non, mais exactement. Là, franchement, j'ai plus d'idées. Trois mondes parallèles. Trois mondes parallèles. Il y a un film, mais je Woody vois Allen, pas. Woody Allen. Comme ça, Woody Allen. Mais... Ah, si. Oui. Bon, là, je crois que c'est mort. Hein. C'est perdu. Non, ouais, j'ai perdu. The Eagle, point pour non, non, en plus, j'ai confondu, j'allais Eddie sortir. Eagle, Eddie the Eagle, voilà. Avec Taron Egerton, où c'était Whiskey. Ouais, j'ai compris, c'est vrai. Il y avait, qu'est-ce que j'ai dit? C'était quoi, les trois mondes parallèles? Les trois mondes parallèles, c'était Fontaine. Ah, mais oui, Fontaine. Bah, j'avais le personnage, mais oui. Impossible de... J'avais ça. Et le film de Woody Allen, c'est avec Scarlett Johansson, et ça s'appelle... J'en ai un autre. Je sais plus. J'ai Prisonnière avec... Oui, Prisonnière. Ah, très bon film. Comment s'appelle le film de Woody Allen qui est génial avec Scarlett Johansson? En plus, elle est géniale dedans. Et Hugh Jackman. Est-ce qu'on se rappelle? C'est pas Cards, non? C'est pas... Red Steel. Oh putain, ça va, ça me Red Steel. Ah, Red Steel. Vous voulez que je vous dise? Attendez, je vais prendre un peu les réponses. Ah, il y a aussi un film pas trop connu. Tous les films. Ça revient tout d'un coup, là. C'est un movie project. En fait, c'est un film avec oui, que des conneries, oh, il avait des couilles là. Et là, il avait des couilles en c'était n'importe quoi, ce oh là là. Ah, c'est tout qui me revient. Gérard Butler en Inde, tu te rappelles ou pas? Gérard Butler en Inde dans le film. Oui, oui. Et aussi Chappie. Putain, ça me Chappie revient tout d'un coup là. Wow. Attendez, je vois c'est un méchant, peu. Ouais. C'est vrai que j'ai pas vu Chappie. C'est vrai, cool pourtant. C'est vrai que ouais, c'est vraiment, on le pensait beaucoup. Il y avait quoi? Il y avait quoi? Bon, de toute façon, les X-Men, ça, c'était open bar. Mais c'est vrai, mais on a dit un peu tout hein, quand même. Hein. Là, je vois un petit peu. Il est dans Deadpool, il a un masque. Ah, Pan, oui. Mais sûr. Oui, je l'ai pas vu. Il y avait également. Donc, Chappie, on l'a dit. Mm-hmm. J'ai un film pour lui. Ah, si, ah, bah oui, c'est Pan. Voilà, si c'était ça, c'était lui. J'ai le Barbe Noire. Il fait la voix dans ah, Sui City. Ah, putain, c'était Pan. Dans Les 5 Légendes, il fait la voix aussi. Ouais. Happy Feet, il fait une voix aussi. Il fait le Père Noël. Scoop de Woody Allen. Très bon film que je conseille aussi. D'accord. Il y avait Manipulation aussi. Ça, je vois pas, c'est quoi. Où il joue un méchant, etc. Et puis après Van Helsing, bah oui, oh, bah oui, c'était oh, évident. C'est con, bah oui. Comment c'était évident. Pff. Bon alors le prochain c'est Jake Gyllenhaal. Donc là je pense qu'on peut faire aussi. Ok. Donc réfléchissez un petit peu. Petite info, il a été confirmé dans le rôle de Mysterio pour le prochain Spider-Man. Oh, pas mal. Jake Gyllenhaal. Pas mal. Joué, pas mal. Donc c'est ça s'appellera. Donc la suite c'est Spider-Man Far From Home. Hmm. Il garde le mot home pour Homecoming. Ah, il joue dans le prochain Spider-Man. Il joue dans le prochain Mysterio. Spider-Man. Mysterio. Ouais, Mysterio. C'est cool. C'est un méchant ou pas? Il joue le rôle c'est de Mysterio. C'est un bocal là. Quel vert, bocal, oui, je connais, mais c'est un méchant, je me rappelle plus. Oui, c'est si, si, c'est un méchant. Bah, il peut parler Sinister Six, hein, je pense. Ouais. Ok, ok. Ouais, bah oui, c'est sûr. Est-ce que vous êtes prêts? On est parti pour Jake Gyllenhaal. C'est parti. Moi, lui. Bah, Tommy, cette fois-ci. Prisonnière. Prisoners. Stranger. De Denis Villeneuve, qu'on conseille. Très bon film. Quel film? Stranger. Oui, c'est vrai. Prince of Persia. Prince of Persia. Polémique un petit peu sur Night ce film. Nightcrawler. C'est Nightcrawler parce qu'en fait il y a deux titres. Mais... Brokeback Mountain. C'est lui non Oui, Brokeback Mountain. Voilà. Original, si. Non, c'est ça, c'est le jour d'après. Oui, bonne réponse. Donnie Darko. Oui. Très jeune. Non, alors je vais te donner un petit indice. Chargé Guerre, un grand film polar qui dure bien 3 heures et il y a Robert Downey Jr. dedans. Tu te rappelles plus ou pas? C'est de David Fincher. Wow, Robert Jr. apparaît Ron Man bah, et pas truc, David Fincher. David Fincher, non, ça j'ai dit pas. J'ai vu le juge. Même moi, j'avoue, ça non. Me. Un film de science-fiction où on remonte à chaque fois le temps. Ah non, si, j'en ai un. Il est sorti il y a quelques années, là, il y a un ou deux ans même, de science-fiction. Bon, c'est pas grave, un simple. Quand tu vas pour monter une montagne, on monte souvent le. Quelle montagne la plus connue? L'Everest. Oui, bonne réponse. Everest, t'es joué dedans. Ouais. Bon, un petit rôle. Mais... Non, mais tu pourras prochain. Alors, bon, Tommy. Bah, je veux bien un indice du coup. T'as plus là? T'as plus rien? Attends. Si je te dis un peu de boxe. Ah, la rage au ventre. La rage au ventre. Attention, j'aide plus. C'est alors, parti. Attends, je cherche aussi. Il faut parler dans le micro. J'ai l'image de cette affiche où il est en tenue de cosmonaute. Tenue d'astronaute. Ah oui, oui, oui. Oui, et oui. Mais alors, et c'est un film qui a un ou deux ans, là. Ah, j'ai en plus. Est-ce que tu aimes... Est-ce que j'ai 0,5 si j'ai au moins avoir trouvé ça. Et ben, moi, je l'ai sûrement. Tu as perdu, malheureusement. Et c'était Life. Ah, Origine inconnue. Je l'ai pas vu. Alors, mais dans ce que vous avez pas dit, les gens, bah quand même, il y avait Okja, le film Netflix. Ah, et... ah je l'ai pas vu. Je savais pas qu'il était dans. Bah, si, en plus, c'est génial. Ah ouais bah, c'est un des plus beaux films. Je crois que c'est le meilleur film. Oh là là. Bah oui, je l'ai toujours pas vu. Il y avait, alors dans les connus, hein, il y a Nocturnal Animals que je conseille de Tom Ford que j'ai vu où il joue un. Alors ce serait compliqué, c'est une histoire compliquée à raconter, mais il joue un personnage compliqué aussi, fabuleux. Oui, c'est vrai aussi. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Enemy de 2009 où il joue un double et tout. Bah oui. Mais oui, il y a End of Watch où il joue un flic et c'est une caméra embarquée. Il y a Source Code où on remonte le temps à chaque fois parce qu'il est coincé dans. Bah, parce qu'en fait, il y a un événement, il faut retrouver où est la bombe, etc. Tu aussi peux comprendre. Il y a une comédie aussi, Love et Autre Drogue, avec Anna Tawai. Peut-être j'ai vu ça. Il y a Brothers, avec aussi celui qui joue Toby Maguire sur la guerre en Afghanistan. Ah, j'ai pas vu. Mais il a tellement un visage aussi quelconque. C'est vrai, c'est que Zodiac. De David Fincher, Détention secrète, je sais pas si tu l'as vu. Non, ça, Jared, où il Jared en... oui, bien sûr. Mais exactement. Putain, ouais, mais... Pourquoi tu me dis tout mais ça? C'est dur, ouais, c'est vrai que c'est dur sur ça le moment. Tout de suite. Bah oui, je sais. Et en fait, c'est. Moi, par exemple, quand tu m'as dit Jack Nenad, j'avais que Soldier en tête. C'est-à-dire que le top Jared, j'avais que Soldier en tête. Et ben, on a quasiment tout dit. Attention, le prochain, un peu plus difficile, mais intéressant. On revient en France avec Jean Dujardin. Donc là, il n'y a pas une filmo non plus gigantesque, mais pas mal quand même. Et il y a des choses, on a oublié. Donc c'est parti. Attention, c'est Gauthier qui commence. Et bah, The Artist. Allez, on va au plus simple. I feel good. Bonne réponse. Le bruit des glaçons. Oui. Brice Denis. Oui. Brice Denis 3. Oui. Ensuite. Le loup de Wall Street, il est dedans. Oui, bonne réponse. Monuments Men. Oui, bonne réponse. Mais il y a le plus simple, hein. Le plus connu, hein. Mais pour moi, c'est Brice Denis, c'est le plus connu. Ah, encore plus connu. Si, je sais. Quand même. Je sais. Mon ami. Attends, je suis en train de bugger, c'est con. C'est con. Jean Dujardin. Mais Gameplay, c'est pas un film. Non, il n'y a pas de film. Ça. Je peux lui donner un indice. Je peux lui donner un indice. Vas-y. Un espion. Pff, ouais, 1617, putain. Mais ouais, lequel mais non, mais... Parce qu'il y a deux titres. Bah, le premier, enfin. Je sais plus quel titre c'est. C'est Care, ni d'espion. Ça, c'est le premier, ça. Ouais. Ouais. Ensuite, bah. Rio ne répond plus. Bah voilà, le 2. Ensuite, Tommy. Et là, on est un peu dans la merde. Ouais, dans la merde. Attends, moi, je crois que j'en ai encore. Attends, alors, attends. Réfléchis bien, mais je suis sûr. Ah si, quand même. Si, j'en ai un. Qui est connu aussi, pareil. Ah si, bah il y en a. Pff, non, je pense que pour c'est moi, dur. Ça va être. J'ai en tête, là, t'as pas. Moi, j'en ai en tête, attends, mais attends, il a pas un grand rôle dedans. Ouais, mais ça compte. Ça marche. Il est au centre de l'histoire, mais on le voit pas beaucoup. Quand t'as la morve, tu prends un mouchoir. Les petits mouchoirs. Oui. C'est celui que j'avais. C'est celui que j'avais, tu vois. Gauthier. Allez, je t'aide, Gauthier. Et après, j'aide plus. Ah, c'est vrai qu'il est dedans, putain. Si je te dis... comment il s'appelle, celui-là? Frédéric BD. Ça me dit quelque chose. Non. Non, t'as pas. Si je te dis Lucky Luke. Bah Lucky Luke. Bah oui. Bon bah prends. Bah prends Lucky Luke. Lucky Luke, bonne réponse. Façon, donc, y a, non mais c'est un indice, Lucky Luke, il y a un autre film. Où il Dalton, du coup. Oui, bonne réponse. Il joue Nathan Dalton. Oui. Oui, il joue pas Lucky Luke, il joue un autre gars. Ah, il est dedans. Bon, ouais, ouais, c'est là, on mon piste, c'est con, puis c'est exactement ce que. Bon, allez, Gauthier. Ben, dans attends, les films récents. Jardin, film récent. Un gars, une fille, le film. Non, non, non. Non, non, non, un film, on en a parlé en plus. Film en costume. Un film en costume. Mais oui. Ou alors. Bah moi, le dernier film que j'ai de lui, c'est I Feel Good. Ou alors quand il est tout petit. Ah, il est tout petit. Il joue un nain. Bah, il joue un nain. Il joue oh, putain, une personne de petite taille. Oh, là, là. Si, je sais pas comment ça s'appelle ça. The il joue une personne de petite taille. Non. Non, bah, je suis désolé, mais c'est perdu. Mais il est 3-0 pour Tommy, qu'est-ce qui se passe? Là, bah, tu voles. Je crois que j'ai eu 2 Z ou 3 Z. Ouais, je pense c'est qu'il vrai. Bon. J'ai envie de dire, le point est nul. Le point est nul. Ou juste s'il trouve le. Bah, alors, je vais vous dire. Alors, je vais vous dire. Il y avait Le Retour du Héros. Oh, bah oui, on en a parlé pas longtemps, bah oui. Oh là là. Où il joue un homme époque parlé, oui. Napoléon. Napoléon 3 en plus, époque. À taille réelle. À taille réelle, c'est non. Ça, non, non. Un homme à la hauteur. Un homme à la hauteur. Où il joue une personne de petite taille. Ouais, ouais, ouais. Il y a aussi Sahara, où il joue une voix. Voilà. Il fait une voix dans le. Non, c'est non, ça, c'est animé des serpents, là. Ouais. Oh, ouais, il joue Georges, voilà, pour l'info. Pas tomber plus Chacun bas. Sa vie de Claude Lelouch. Avec Johnny Hallyday et tout ça. Okay. 1 plus 1 de Claude Lelouch, toujours avec Elsa Zieberstein. Mais ça, il joue pas des grands rôles dedans. Ah, si, si, c'est le premier rôle. Ah ouais. Okay. La French, te rappelles ou pas? Ah oui, la French, oui, par contre. Putain, ouais. La French, j'aurais pu 9 mois ferme d'Albert Dupontel. 99 cents. Ah oui, oui, bah c'est ça, Frédéric Bagley. 99 francs. Pas cents, mais 99 francs. Ouais, ouais. Mobius aussi. Il y a un truc aussi, monnaie. Les infidèles. Ah oui, ah, et un truc monnaie, oui. Quelque chose monnaie, cash monnaie, un truc du genre. Cash. Cash tout court. Ouais. Un film qui s'appelle Cash. Ouais, Cash. Un balcon sur la mer. Après, on a quasiment tout dit. Hein. Un homme et son chien, juste pour dire aussi. Ouais, mais effectivement, ouais, c'est des trucs genre. Contre-enquête. Ouais. Contre-enquête. On les a un peu oubliés ces films, mais ouais, effectivement, il a fait. Voilà. Tout ça, ouais. Bah, c'est déjà pas mal. Mariage aussi, il a joué. Le convoyeur. Mmh. Etc, etc. C'est déjà pas mal. Il y en a beaucoup, c'est comme ça, ça me dit rien. Il y en a un aussi, alors celui-là, il est toujours rediffusé. Attendez. Il y a aussi Bienvenue chez les Roses. Ça, c'est un film qui est multidiffusé, rediffusé aussi. Alors, le prochain. Du coup, là, le point est nul ou. Le point est nul. Okay. Mais là, j'ai plus, j'ai trop. Voilà. Bon, attention, le prochain. On prend un acteur qu'on aime beaucoup. On prend un acteur qui a. Qui est extraordinaire. Que j'aime beaucoup. Ouais. Et que la France aime. Même si il reste pas toujours en France, Gérard Depardieu. Alors là, je pense qu'on peut se faire une bonne liste. Alors là, n'hésitez pas, prenez un peu votre temps. Ah ouais, là, c'est... Là, c'est une liste, voilà. Mais jette pas parce que il y a plein de films que je sais non plus, mais je sais plus. C'est pas grave. Ok, bah, là j'en ai quelques-uns. Il faut, faut sortir exact. Les plus faciles en fait. Ouais. Attention, c'est un film qui commence. Tais-toi. C'est un film qui s'appelle Tais-toi. Oui. D'accord. Ah, c'est Eric Sobelix. Oui, il parle tout le temps même. Ouais. Contre César, on va les faire d'abord. C'est lui. Oui. Bah Astérix 2. Ouais, bon, Mission Cléopâtre, il faut que la loi tous les faire. Astérix 3 alors. C'était quoi le les Jeux Olympiques là. Oui. Et c'était le dernier, c'était chez les quelque chose là, chez Breton. Non. Non, le titre non, mais c'est je vais le prendre, c'est au service de sa majesté. Ouais, c'est ouais, chez Breton. J'avais oublié, exactement. Que j'avais pas vu la carrément. Bah, c'est pas les Bretons, on les appelle les Bretons, mais c'était ouais, les mais c'est tiré de la BD. Ouais. C'est à moi les Trois Mousquetaires. Alors. Tu es dans un Trois Mousquetaires il y a longtemps. Attends juste deux secondes. Ou les Quatre Mousquetaires, je sais plus. Ou... Oui. C'était oui, les Trois oui, Mousquetaires, oui. C'est ça Non, alors c'était pas les Trois Mousquetaires. C'était quoi comme... Les Quatre Mousquetaires Non, c'était. Non, c'était pas le... c'est pas le bon titre, je peux pas l'accepter. Oh non. C'est mais avec juste... DiCaprio, tu te rappelles ou pas? Ah, le Masque de Fer. Ouais, oui, voilà. Putain, oui, voilà. Ensuite, si, Gautier. Si, oui, mais c'était quand même les Mousquetaires. Ensuite, Roméo et Juliette. Et dans Il a joué dans Roméo et Juliette. Putain. D'accord. Tommy. Ah, oh, mais non, mais pas déjà, qu'est-ce qui se passe? Sinon, pendant les récents. Ah, mais les... j'ai pas les noms. T'as pas les noms inspiré là. Si je te dis. Putain. Péninsule. Si je te dis nez. Si je te dis épée. Si je te dis grand rôle de théâtre. Mais en film. Ah oh. Macbeth non, non, putain. Bah attends, je vais te prendre un truc simple. Attends, dans les récents, il a joué à la pétanque. Robin ? Non. Non, bah non. Non mais putain, j'ai le film avec le. Bah c'est perdu rappeur, malheureusement. Mais il y a des amis Gaudier. Mais bien, mais bah il y en avait plein. Alors, il y avait que 6. Il y en avait plein. De toute façon, c'était beau. Il y en avait plein. Je prends les plus connus. Il y avait Valley of Love. Il y avait Cyrano de Bergerac. Welcome to New York, où il joue notre ancien président. Président. Ministre des. Je voulais savoir, parce qu'il y a un film de Gérard Depardieu que j'arrive pas à me souvenir. Oui, dis-moi. C'est un film, en fait, c'est un personnage. Il est pas réel, en fait. Il joue le personnage qui est en fait d'imagination d'un petit garçon qui a perdu sa mère. J'arrive pas à me souvenir tout à l'heure. En fait, il voilà, un petit garçon qui perd sa mère et il va s'imaginer un personnage un peu tout comme ça. Il va dessiner un personnage sur un cahier et puis en fait le personnage qui voilà, c'est un peu fantastique, il va ressortir du truc et c'est Gérard Depardieu qui joue le rôle. Moi pendant longtemps je pensais que c'était le film Boudu. Quand j'ai revu Boudu il y a pas longtemps, j'ai vu que c'était pas ça. C'était pas du tout ça et je sais plus. Bah je vais te dire les plus connus, tu me diras peut-être ça. C'est triste mais les noms de films. Il est dedans. Ben oui. Il y avait il y avait Potiche de François Ozon. Ah, je suis désolé. Il y avait Mammouth. Mais... Ça m'étonne pas. Il y avait Coco où il joue un petit rôle rapidos. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il a joué dans quoi là? Il a fait un rôle surprise. Disco. Ouais, c'est peut-être. Il y a pas ouais, non, Disco, Michou Daubert aussi. La Môme, c'est vrai qu'il joue. Après c'est des petits rôles, tu vois, dans Disco, je sais qu'il joue peut-être. Mais attends, il a joué dans un film il y a pas longtemps. C'est toi qu'on avait parlé. Ah putain. Oui. Ah Jérémy, t'en avais parlé une fois d'un film, il faisait une apparition surprise. Oui. Ce film-là, t'en avais parlé, je crois, le jour de la première. Très récent. Il est dans A la 2. C'est ah vrai, bon en plus, je te jure que c'est vrai. Ah, une apparition dans un film. Oui, une petite apparition comme ça. Ouais, ouais, un film récent. Il joue pas un grand rôle dans le film. Je crois qu'il joue le père ou un truc comme ça. Après, ça comptait. Ah, la... c'était. Oui. Alors, c'était il y a longtemps, mais. Ça comptait la série Marseille. Non, ça, malheureusement, non. Mais c'était. Avec. Benoît Magimel, Carbone. Où il y a un rôle. Bon, c'est pas un petit rôle, mais il a un second rôle. Depardieu, en fait, je me rends compte que j'ai pas vu grand chose. Hein. Ah, les valseuses aussi. Ouais. Ah, bah, les valseuses. Tais-toi. Tais-toi. Ouais, 492. Christophe Colomb, bien sûr. Ouais, ça, c'est bon, voilà. Là, on a, il y a tellement une longue filmo qu'on peut pas tout faire. Attention, le prochain. Le prochain, on va prendre. On va prendre une femme, tiens. Il a pas fait une voix dans Suicide City lui aussi. C'est possible. Après ça, je joue. Ouais, les voix, ça c'est compliqué. On va prendre une femme, d'accord. Une voix, mais une femme très connue dans ce milieu, dans le milieu du cinéma. On va prendre, je suis en train de réfléchir, tiens, Mario Cotillard, tiens. Mmh. Ouf. Attention, c'est parti, Gauthier. C'est la dernière manche. Le petit mouchoir. Bonne réponse. Batman Rises. Oui, bonne réponse. Comment il s'appelle le film avec Brad Pitt, là? Oui. Je sais plus, je crois, je me rappelle. Ouais, je crois que je l'ai en plus. C'est avec de Robert Zemeckis. Ah, je l'ai presque. Choisis un autre parce que sinon tu. Marion Cotillard, il y a quoi J'en ai deux. Bah, mon ami, j'en ai deux déjà. Si je te dis science-fiction, un des plus grands films de science-fiction récents. Quand même. Ce soir en dormant, tu vas y penser. C'est le seul indice que je peux dire. Ce soir en dormant, je vais y penser. Ah oui, tu comprends la référence. Ce soir, je comprends. Bon, bah, non, je comprends la référence. C'est pas grave, je faisais un autre film alors. Non, bah là franchement, Marion Cotillard. Ah là, c'est fini là. Moi j'en ai deux, trois là. Vas-y, Tommy. Du coup, c'est... achève-le. Jeu d'enfant. Oui. Dick Neck. Oh putain. Bah oui. Et ton truc avec Brad Pitt, oui, il me fait chier parce que je l'ai presque. Mais c'est ça que j'ai quelque chose. Le problème, c'est que dès que tu cherches un film, les gens, et que tu l'as pas, tu bloques. Rock'n'Roll. Rock'n'Roll. De Guillaume Canet. Il y avait Allié, ce film que tu cherches. Voilà, c'est ça que tu cherchais. Voilà, Assassin's Creed. Et bah, vous savez quoi, j'étais pas du tout sur ce film. J'étais sur un truc, c'était The Tourist, et je me suis aperçu qu'en fait, c'était pas Brad Pitt. Non, c'est Angelina Jolie. Et Angelina Jolie. J'étais là, j'étais sur The Tourist. T'étais sur Mission. Donc Allié, je l'aurais pas eu. Bon. Il y a Macbeth. Il y a juste La fin du monde de Xavier Dolan. Deux jours, une nuit des frères Darden. Inception. Il y a Inception, c'est ce que je disais en dormant. Inception. Il y a Blue Ties, il y a The Immigrant. Mais c'est vrai que Rock'n'Roll et De Roulidos, Minuit à Paris. Il y a énorme. Voilà, Nine, que j'adore. Il y a Public Enemies avec Johnny Depp. Il y a La Mom. Edith Piaf. Tu mérites une taf. Bah alors. L'Oscar en plus. Et après d'autres choses. Mais attendez quand même. Ce jeu est sympa. On va le faire à la prochaine fois. C'est dur parce que quand tu penses à un film et que tu bloques sur ce film, c'est impossible après d'aller en retrouver d'autres. Quand tu dis c'est fini, c'est-à-dire que là, moi j'ai eu le film avec Brad Pitt et je bloque dessus. La prochaine fois, on fait ce jeu quand on sera tous ensemble. Ça sera 1-to-1. Et chacun, il n'y aura pas d'indice. Il y aura 0-indice. Bon, là, il est 19h14. J'ai envie de vous dire, c'est peut-être le moment de parler un peu des films qu'on a vus. Et j'ai envie de parler d'un film qu'on a tous vu, La Prophétie de l'Horloge pour commencer. Daily Ross, le réalisateur de Hostel, des films d'horreur très violents. Hostel 1 et Hostel 2, parce que le 3, ça a été fait par quelqu'un d'autre. Et le 3 était moindre. Qualité. Bah déjà, moi, les deux premiers, j'ai pas kiffé, autant que je te le dise, mais j'ai adoré. C'est un humour très spécial en plus, Hostel. Parce que c'est Hostel, c'est un humour. Moi, je pense que c'est une vision réaliste de ce qui se passe dans les pays de l'Est. Tu te rappelles plus de l'humour dedans. Il y a plein de blagues en fait. Moi, je retiens surtout l'impact des pays de l'Est, parce que c'est vrai qu'à l'époque, je regardais. Moi, je connaissais pas beaucoup les pays de l'Est, que je commençais à regarder l'Hostel. Et c'est vrai que c'est quand même violent, c'est quand même inouï ce qui se passe. Et donc, moi, j'avais gardé que c'était plus une sorte de dénonciation de certaines choses qui peuvent se passer dans les pays de l'Est. Je pense que ce genre de choses arrive bien sûr dans les pays de l'Est. D'accord. Mais oui, c'est inspiré d'une histoire vraie. Donc. Et du coup, moi, le seul truc qui m'a vraiment. Je trouve qu'ils vont trop loin. C'est ce moment où la chinoise, la ZTK se coupe l'œil là, du truc blanc qui. Non, ça donne envie de voir le film quand même. C'était trop pour moi. Oui, voilà. Mais il avait fait aussi Knock Knock avec Keanu Reeves qui était sympatoche. Moi je l'ai. Moi ça me faisait peur là. Quand j'avais vu la bande annonce au départ, je me suis dit tiens, c'est une petite comédie sympa et tout. Puis après, c'est pas une comédie du tout. Tu vois les filles qui sont quand même là, tu sais, qui arrivent, tu sais, qui font les chaudasses et tout. Tu dis beaucoup le beau film, allez, un peu de sensualité, tout ça. Et en fait, pas du tout quoi. C'est des films psychopathes. Petite anecdote, il y a une des deux actrices qui est dans Blade Runner et qui est sur l'affiche. C'est une des deux actrices de Knock Knock. Tu vois, tu commences avec Knock Knock et tu arrives sur Blade Runner 2 quand même. Bah bien, j'avoue. Tu en profites. Peut-être pas une bonne. Bien joué. Bonjour. C'est ce pas. Bon, il avait fait ça. Il avait fait le dernier film là, avec Bruce Willis, Death Witch, qui était un remake d'un film des années 80, j'ai je crois. Pas vu, et là, donc. Il est un peu inaperçu ce film là, je trouve. Ah ouais. Moi, je crois que c'était un film Netflix. Pas beaucoup de salles. J'ai cru que c'était un film. Tu nous avais dit en plus, tu croyais que c'était un film Netflix. Donc là, il fait ce film là. Donc on explique vraiment, l'histoire est très simple. C'est un enfant qui perd ses parents. Il va voir son oncle. Son oncle, eh ben, c'est pas un oncle comme tous les autres. Il habite dans une maison un peu spéciale et il est magicien. Donc c'est Jack Black l'oncle. Et on découvre que cette maison appartient en fait à un autre magicien. Et tout d'un coup, il va se passer quelque chose et il y aura, ils vont devoir sauver un peu leur peau entre guillemets avec de la magie. Mais c'est un film familial, autant qu'on se dise. Donc un film familial avec Jack Black, avec Kate Blanchett, avec Kyle MacLachlan, pour ceux qui aiment beaucoup cet acteur dans Twin Peaks et aussi dans Desperate Housewives, un très bon acteur qui joue, on peut dire, le méchant, hein, c'est pas non plus secret, ouais, il le dit dans les interviews. Est-ce que vous avez... Alors moi, mon avis personnel, je vais tout de suite te donner, c'est très simple, je trouve que c'est un film familial qui passe. Peut-être pas aller voir au cinéma autant qu'on se dise pour le prix du ticket. C'est un film qui est plus film Halloween. Voilà. Film Halloween, TF1, on le met à 17h, les enfants devant, c'est pas violent, c'est sympathique, trop de références à Harry Potter, trop de peut-être lenteur de temps en temps, rien de nouveau à l'horizon sur le niveau du scénario, mais c'est bien joué, c'est plutôt bien foutu, réalisation classique. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Rien à dire de plus, c'est à peu près 10 ce qu'il y avait à dire, hein, pour moi. Comme je disais tout à l'heure, c'est que ça reste un film où on veut montrer qu'il y a quand même un minimum de budget, et comme je disais tout à l'heure, un peu comme Chair de Poule finalement. Je te jure, on a l'impression que c'est le même film. On a l'impression que c'est la suite. Bah voilà, parce que c'est aussi, c'est on a vu Jack Black qui joue aussi beaucoup, mais c'est surtout qu'en fait, je pourrais en citer d'autres qui sont un peu de moins de genre comme Baywatch ou ça, c'est-à-dire que c'est des films qui sont pas des blockbusters, mais auxquels on donne du budget pour pouvoir quand même offrir quelque chose d'assez convenable. Et c'est ce qui se passe, c'est convenable. Quand le travail est bien fait, ça passe. C'est pas du grand blockbuster, mais ça passe. Et moi, pareil, j'ai passé un bon moment devant ce film. Et puis Jack Black fait. C'est bien aussi les films quand on le retrouve dans Charles Poulon, on l'avait vu dans Jumanji, alors je sais que t'aimes pas beaucoup Jumanji. Franchement, c'est le truc que j'ai bien aimé dans Jumanji, c'est Jack Black. Voilà, c'est-à-dire qu'il a une sorte de présence à l'écran, et c'est sympathique, c'est-à-dire c'est sûr que c'est pas le héros qu'on va envoyer faire des cascades et tout comme mais quand on s'attache émotionnellement. Ouais. Comme tu dis, quand tu veux un film familial, c'est un bon choix de casting. Ouais. Puis moi je me rappelle de Rock Academy où il est génial. Ah, il était trop bien. Dans beaucoup de ses films. Après, il y a Tenacious D aussi. C'est quoi? Bien. C'est le film où il a son groupe, parce qu'il a un groupe aussi. Ah oui, genre c'est le Peak of Destiny, c'est le. Je vois de quoi tu parles. Médiateur magique et tout. Enfin, le film, il y a grand chose à dire sur ce film. Mais il est bien, c'est à conseiller. C'est un film pour les enfants. Moi, à la fin, je suis sorti, je me dis, en fait, si j'avais eu 8 ans ou 10 ans, j'aurais kiffé aussi. Ah ouais, moi aussi, c'est ça. Mais là, j'avoue, bon. Peut-être pas pour Noël, là, qui va arriver. Mais je suis sûr que ça, les Halloween Noël, c'est des films qui vont être rediffusés. Alors peut-être pas Halloween, parce que je pense que niveau magie et tout, ils vont plus. Parce qu'Halloween, plus la magie c'est Noël, pas assez. Ouais, c'est pas assez Halloween, c'est pas assez imprégné. Je pense pas qu'il y ait un listing spécial. Je vais me permettre de rajouter quelque chose, parce que c'est rare de le dire, mais l'enfant joue très bien. Oui, parce que souvent, ça peut être un peu. Mais même son pote, là, le. Surfait. Enfin, je trouve que l'acteur est super. Lui, il joue bien. Parce que. Il y a une subtilité aussi dans le scénario par rapport à cet enfant-là. Donc c'est ça, je crois. Que ce qui est un peu dommage, c'est la petite, moi, je trouve. Un peu... Ah oui, c'est vrai. Je pensais qu'elle allait être beaucoup plus importante. Sur les tournages hollywoodiens, alors je ne sais pas si c'est le cas pour celui-là, mais il y a de plus en plus de coachs. Je sais que c'est le cas pour Solo, avec l'acteur principal. Il y a de plus en plus de coachs pour ceux qui n'arrivent pas à se mettre dans un rôle, ou à la limite, justement, pour les plus jeunes qui commencent dans des grosses productions. Parce que ça, je pense que quand on arrive sur le tournage, on est déjà face à une grosse production. Ah oui, d'accord. Et je pense que ça peut arriver qu'il y ait des coachs aussi qui coachent. Et je pense que les gamins sont beaucoup coachés. Ça l'avait fait avec le film de Le Petit Garçon dans Pan. On parlait tout à l'heure avec Jackman, ça l'avait fait avec ce petit garçon. Ok. Bon, bah, quelque chose à rajouter peut-être? Film. Alors, peut-être une petite chose, c'est quand même surprenant pour Eli Roth. Mais j'ai vu une interview, il dit vraiment, j'ai l'impression d'avoir fait toute cette carrière juste pour arriver à ce film-là qui me convient beaucoup. Ah, c'est plus beaucoup, ça qui convient. Bah, qui continue. Regarde James Wan, il a fait Les Sceaux, il a fait Conjuring, aujourd'hui il a fait Fast and Furious, il fait Aquaman. Je pense qu'il n'y a pas d'erreur. S'ils ne font pas d'erreur, ça marchera naturellement. Ouais, un film, de toute façon. N'importe le genre, si tu le fais bien, tu le fais bien. Après, je pense que ce film-là, il emmène à des suites. Hein. Il y aura des suites. J'espère pas quand même. Hostel, ça fait quand même partie aujourd'hui des grands films d'horreur des années 2000. C'est vrai. Oui, mais non, c'est mais les horloges, parties, avec la colline des yeux, les sauts, les trucs comme ça, ça fait partie ouais. vraiment des œuvres cultes des films d'horreur. Moi, je sens bien une prophétie de l'horloge 2, un autre nom, un autre truc. Fin... Bon, on espère pas quand même, parce que bon. Ça, un seul, c'est très bien. Est-ce que ça mérite une honnêtement, suite honnêtement, moi, je kiffe son idée. C'est-à-dire que de faire une suite sur une autre histoire, et donc le film ne s'appellera pas La prophétie de l'horloge 2, comme ils font un peu avec les romans, là, avec Tom Hanks pour Da Vinci Code, tout ça. C'est-à-dire faire à chaque fois des suites et à chaque fois changer de nom. Ça peut être ça serait bien. Ou alors le titre avec un sous-titre qui précise que c'est pas c'est le 2, mais ou alors le titre en gros et entre parenthèses. Ouais. Regarde, si c'est La prophétie de l'horloge, mais que ça tourne plus autour de. Ouais. Je pense que Gauthier a raison. Après, juste pour revenir sur le film, après scénaristiquement, des moments c'est un peu mou. Ouais, ça. Même la fin, on s'y attend. Voilà, le twist. N'ouvre jamais cette armoire. Tu sais très bien que cette armoire va être ouverte. Encore une fois, il y a rien de nouveau, mais. C'est bien ficelé, c'est oui, bien c'est mis en place, ouais, c'est bien mis en scène. Classique. Pour moi, c'est vraiment classique de A à Z. Ouais, mais c'est un petit film. Ouais, un petit alors, film classique, comme on tu peut dis. Conclure ce débat sur ce film. Ouais. Moi, juste, je pense que c'est bon. Je trouve ça dommage qu'il soit sorti vraiment. Parce que je trouve à cette époque-là, là, je dirais. Bah ouais, c'est, on est à quelques semaines des vacances. Ouais. À ce mois, ouais. Je pense que ça, c'est un c'était film qui aurait bien cartonné pendant les vacances. Moi, je regarde le fond, je vois pas trop ce que les gamins pourraient aller voir pendant les vacances. Si, il y a Yeti et compagnie qui arrivent. Pour les enfants, ouais, qui voilà, marche super bien aux États-Unis. Pour les enfants, tu vas nous en parler. De quoi ? Il marche bien aux États-Unis, Yeti et compagnie. Je l'ai pas vu moi. Bah, pour les enfants. Non, mais aux États-Unis. Aux États-Unis ? Ouais. Je sais pas ça. Du tout. Mais moi, je sais que. Chronique après. Bah, je sais pas si. J'ai pas l'impression qu'il soit dans le top box office. Ah bon, j'ai vu ça. Je te jure, box office US, Yeti et compagnie. Mais on en parlera tout à l'heure. Moi je pense qu'il va marcher. Je pense qu'il sera un peu dans la même trame que Hôtel Transylvania et tout. D'accord. Pas ah, dans, je vois ce que dans le genre de film, eh ben non, je t'as raison. Ah, ça doit être ça, Small Foot. Ça doit être ça. C'est ça, Small Foot, ouais, bah c'est oui, ça. Bien c'est Yeti, oui. Ah, quand même. Mes sources sont bonnes. Non, je me sens. Non, Gauthier, j'ai envie. Troisième box office. Là, c'est ton temps, c'est ton time. Parce que j'ai envie que tu nous fasses ta chronique. Mais avant ta chronique, je veux que tu nous parles de Venom. Eh bien, Venom. Tu l'as vu en avant-première. Alors, je vais essayer d'être assez. Il est sorti aujourd'hui. Élargi dans mes propos pour pas trop spoiler parce qu'il y a des choses intéressantes. C'est-à-dire que moi, je vais pas le cacher, j'ai été déçu. Maintenant, je m'attendais pas à un grand film. Venom, je l'attendais pas comme quelque chose de ouf, comme j'attends d'autres films Marvel, des choses comme ça. Déjà, dès lors où c'est hors MCU, généralement, les films Marvel, Edith Boo, tout ça, je les attends pas comme des ouf. Ce qu'il y a sur Venom, c'est que le personnage sur toute première partie du film, pour moi, c'est attendu. Le personnage est traité, l'aspect psychologique avec Tom Hardy, tout ça, est traité. L'histoire de Venom, enfin tout ce qui tourne autour de Venom et des symbiotes, parce que les symbiotes, bon, c'est le truc qui crée le Venom, tout ça, marche, c'est expliqué. Et à un moment donné, où il y a un hic. Je vais comparer avec un autre film de super-vilain, Suicide Squad. Suicide Squad, ça n'a peut-être pas eu le succès escompté, mais à la fin, dans le scénario, même si c'était gentil, même si à la fin ils combattaient un méchant, à la fin on avait le sentiment qu'il restait des méchants. Là, si vous voulez, j'ai l'impression d'être face à une sorte de Deadpool. C'est-à-dire que c'est un mec, Venom, c'est une créature, c'est une bête, donc il y a un côté sauvage à la chose. Donc forcément, le mec, des fois, il fait des trucs un peu hard. Mais à la fin du film, tu te demandes si t'as vraiment vu un méchant. C'est le méchant peut-être le plus aimé, l'un des plus emblématiques de l'univers Spider-Man, qui est le héros peut-être le plus populaire de tous les héros. Et on n'a pas ce sentiment d'être face au grand méchant de Spider-Man. Est-ce que c'est pas un peu l'effet aussi Will Smith avec Suicide Squad là, où il joue un badass et puis en fait au final le mec il a une fille et puis il a une morale. Peut-être. Mais justement on les fait passer pour des gentils parce que c'est aussi le but. C'est si on leur demande d'aller sauver la Terre, c'est pas on leur dit ouais, ça serait trop facile. Bien sûr on prend un méchant, tu leur donnes de l'argent, tiens on va éliminer lui, d'accord. Là on leur donnait vraiment un intérêt. L'histoire de la fille avec Will Smith par exemple, c'était l'intérêt qu'il avait aussi de sauver, d'avoir de la rédemption, mais aussi de sauver son monde parce qu'il y a sa fille, tout ça. Ces parties-là, genre je vais pas spoiler, hein, mais ces parties-là sont traitées dans Venom. Mais finalement, quand on commence un peu à s'habituer au personnage de Venom, bah là, finalement, t'as d'autres éléments dans le film qui vont être pris en compte et qui fait que Venom va passer, entre guillemets, au second plan. Donc, vous avez pu voir dans les trailers, hein, il combat d'autres symbiotes, il en combat un notamment, ce qui est le grand combat final. Déjà, quand on est à ce combat-là, et bah déjà, Venom, il passe déjà pour... le truc énorme, quoi, le truc incroyable qu'on s'attendait. Donc on est face à un autre symbiote qui est plus badass, qui l'ont forcément, c'est le grand méchant, faut forcément qu'il ait de l'allure. Mais du coup, Venom, encore une fois, passe au pan et je pense que c'est la déception. On s'attendait de voir Venom. Je serais con à dire la comparaison, mais regardez les Dalton finalement en France. inspiré d'une BD. Les Dalton, c'était les méchants. Dans le film, ça restait les méchants. On les faisait combattre qui l'adversaire dans le film, c'était Lucky Luke. Parce que voilà, Lucky Luke, ouais, prenait la place d'opposant. C'est gentil. Donc, alors, en fait, le fait de ne pas avoir vu Spider-Man dans le film, tu t'es dit, en fait, ça sert à rien. Moi, je dis peut-être pas forcément Batman. Peut-être pas forcément, peut-être pas forcément Spider-Man. Mais. Pas mélanger Marvel et DC. Peut-être pas forcément mettre Spider-Man, mais ne pas faire passer Venom pour celui qui va devoir tuer le méchant. C'est-à-dire ne pas que son ennemi ne soit pas un méchant. Spider-Man, dans l'univers Spider-Man, t'as plein de dérivés de Spider-Man, de Spider-Gwen, de je sais pas trop quoi. Ils auraient pu trouver un truc avec Venom, ils auraient pu mettre un personnage à part, ou alors quelque chose d'autre. Mettre un vrai personnage, un vrai symbiote, sachant qu'on attend de voir Venom, mais finalement on recrée par-dessus lui un autre personnage qui est finalement pareil, seulement il a des pouvoirs différents, tout ça, c'était bidon. Et finalement, le personnage de Venom, t'es là, tu dis, bah, ils sont passés à côté de quelque chose. Moi, je faisais Venom, si j'aurais voulu le voir. Enfin, je vais le voir quand même, le film. Hein. Ouais, tu vois Spider-Man 3, quoi. Ouais, voilà, j'aurais mis dans Spider-Man... Ouais, aussi. Bah, ouais. Justement, je pense que je vais clôturer là-dessus, c'est-à-dire que le film a quand même pas mal d'années de retard, c'est-à-dire que je pense qu'ils ont traité le personnage de Venom comme quand les femmes auraient voulu qu'il soit traité dans Spider-Man 3. C'est-à-dire que quand Spider-Man 3 était sorti à l'époque, les gens étaient, ah, Venom, il n'est pas traité, ils auraient bien fait faire ça. Et à ce moment-là, c'est vrai que le projet Venom prend forme, parce qu'à ce moment-là, on comprend ce que les gens veulent autour de Venom. Seulement, ils le font en 2018, ce film. Ouais, et le film 2018, c'est ce que les gens voulaient avec Venom à l'ancienne. Vous rajoutez à ça qu'il n'y a aucune trace. Alors, je ne vais pas trop spoiler, mais quand on regarde le film, mis à part quelques clins d'œil, t'as pas beaucoup de traces d'autres personnages Marvel. C'est ça le problème. Après, et là, ça sera un peu mon entre guillemets côté spoiler, Ant-Man and the Wasp, lui, c'est un film qui a été beaucoup critiqué, mais les gens ils se précipiteront pour aller voir la suite, que ce soit dans Avengers ou dans Ant-Man 3, parce que la scène post-générique a tout sauvé. Venom, c'est pareil, la scène post-générique sauve la franchise. Il n'y a que la scène post-générique, bon acteur, bon suspense, et du coup, ce qui fait que même si je suis sorti déçu de ce film, j'ai envie d'aller voir la suite. Après, moi, parce qu'ils se sont rattrapés. Bon, t'as fini. Vas-y. Ce que je veux dire, ouais, moi j'aurais bien kiffé Venom, mais effectivement, dans le prochain Spider-Man, ou même qu'il soit là dans les Avengers, enfin, tu vois, c'est quand même un perso de Marvel, j'aurais bien aimé. Après, il y a des surprises quand même dans le film. Le film est sombre et sort, mais il y a des surprises quand même. Et comme tout le truc, il y a des clins d'œil, des petites références quand on est fan après, de Marvel, on les comprend. Après, quand même édulcoré un petit peu, il devait être plus violent que ça normalement. Ouais, bah, moi je pense que s'ils font vraiment une saga, une franchise autour du Spider-Verse, hein, enfin sur autour de Spider-Man tous les méchants, malheureusement, je pense que Venom, ils étaient obligés un peu de passer par là. Un peu comme le premier Captain America, qu'ils sont obligés de passer par cette partie-là, donc cette partie de la découverte de ce virus, et que après, ils auront peut-être plus de temps pour vraiment fidéliser le comics et donc peut-être faire venir d'autres personnages issus du catalogue, tout ça. Reste à savoir que c'est Sony et que Sony n'a pas un catalogue de personnages très large. Non, ils n'ont pas grand-chose. Ils n'ont que l'univers de Spider-Man, je crois. Ouais. Et les Noé dans 6 ans. Ok, d'accord. On fait une petite pause musicale et après on enchaîne avec ta chronique. Okay. On enchaîne aussi peut-être avec Venez comme on danse. Voyez comment on danse, A Star is Born. Oui. Star is Born, on en a déjà parlé. Donc, je préfère que tu l'ombre d'Emily, du coup. L'ombre d'Emily. Et la semaine prochaine, tu nous parles du film du Michel Blanc, parce que je vais aller le voir. Ok, comme ça on sera deux. Et comme ça, on sera deux à en parler. Okay. Et puis, je parlerai aussi de Dala 2. Attention, grand film. Non, je plaisante. Non, mais en plus, j'ai passé un bon moment. C'est pour ça qu'on va un peu débattre. Parler du Hollywood Reporter, parce que ça, c'est ma choquée. Oui, bah ça aussi. Bon, on va voir, t'inquiète. Petite pause musicale, et puis à tout de suite, à tout à l'heure. À tout. Et nous revoilà avec, avec la chronique de notre cher Gauthier. Mais avant ça, je vais parler du box-office France qui a été posté aujourd'hui vers 18h. Donc je vais vous dire un petit peu le qui est en top. Je crois qu'il n'y a pas trop d'indices, hein, c'est à l'air évident. C'est à la 2 en première position avec 851 000 spectateurs. Donc ça sent que ça va peut-être tomber sur les 2 millions, 3 millions à la fin de son exploitation. A Star is Born arrive en deuxième position avec 351 000 spectateurs. C'est pas mal, je trouve. Ensuite, il y a Lannon qui fait un carton énorme avec un total de 1 154 000. Donc pour toutes, bien sûr, toutes les semaines depuis qu'il est à l'affiche. 1 million quand même, il a dépassé le million. La prophétie de l'horloge, on en a parlé tout à l'heure. En total, c'est 396 000. C'est pas mal c'est du pas tout. Mal, oui. Les Frères Sisters, on est à 634 000. Qui est pas mal du tout non plus. I Feel Good, c'est 345 000, juste en 6ème position. Petit score, mais comme c'est un film de, quand même, on peut dire d'auteur, donc c'est pas mal du tout non plus. Première année arrive à 895 000, bon score aussi pour Thomas Lipti. Frère Ennemi avec Reda Kateb et Mathias Schoenaerts arrive à 100 000, donc ça, c'est pas bon du tout, autant qu'on se dise. Un Peuple et son Roi à 219 000 total. C'est pas bon non plus. Peu triste. Et en plus, le réalisateur voulait faire un deuxième si ça marchait. Et vu que ça fait 219 000, ça fera pas un. Oui, bah oui. Après, ça dépend quand ça sort, etc. Et un film que j'aime beaucoup, j'ai juste envie d'en parler rapidement, c'est Nos Batailles avec Romain Duris, que j'ai vu en, on peut dire un peu, pas en avant-première, mais à la sélection. Alors, je sais plus, Semaine de la critique, ouais, c'est ça. C'est 83 000 spectateurs. Bon, c'est un petit film, on peut dire, indépendant, discret. Un très bon film que je vous conseille. Un film sur l'amour, la famille et les responsabilités. Mais à notre époque. Et c'est un bon film que je vous conseille. Et Romain Duris est génial dedans. Ensuite, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? J'ai envie de vous dire que c'est la chronique de notre cher Gauthier. Tu veux faire le jeu ou la chronique d'abord? Eh bien, on va commencer par le box-office mondial. Allez! Eh bien, alors, le box-office mondial. En tête, on retrouve... Le micro n'était pas allumé. C'est pas très grave. Donc en première tête au box-office mondial, donc on retrouve Venom. Alors pour préciser que là il y a deux chiffres, donc il y a le box-office mondial à travers le monde et le box-office nord-américain, donc sur le sol des États-Unis et du Canada. D'accord. Donc Venom est en tête avec aux États-Unis sur le nord-américain 89 millions pour 217 millions à travers le monde. Ok. Donc pour première semaine c'est très correct. En deuxième position, A Star Is Born aussi. Donc 51 millions aux États-Unis pour 65 millions à travers le monde. Pour des petits films comme ça, c'est plutôt pas mal. Surtout que petit film, c'est Warner quand même, hein, c'est pas un petit film. Hein. Ouais, mais c'est pas du blockbuster. Mais pour moi, c'est vraiment, ouais, vraiment quand tu sur les 10. Je sais pas ce qui a été dit avant, mais les têtes, c'est toujours des blockbusters que tu te. Donc Star Is Born, je pense qu'il y a moyen qu'il dépasse les 100 millions, et là c'est même très bien. C'est Small Foot, donc le film sur le film d'animation sur le Yeti. Donc en troisième position avec 45 millions aux États-Unis pour 78 millions à travers le monde. C'est pas mal. Ensuite c'est une comédie avec en quatrième position une comédie avec Kevin Hart, Night School. Ah qui a l'air trop bien. Qui a l'air plutôt pas mal. Je suis pas trop comédie américaine mais là ça m'a l'air vraiment en déconnade. Kevin Hart qui est donc le prochain dans Intouchables, c'est l'acteur qui jouera le rôle qu'avait avec Bryan Cranston. Avec Bryan Cranston. J'aime beaucoup Bryan Cranston mais. Mais Kevin Hart j'aime peut-être pas. Trop les... Un peu moins déjà. J'aime bien Clean Art pour Intouchable. Ouais, voilà. Mais c'était peut-être le choix facile. Moi, j'aime pas trop quand les Américains refont les films. Ouais. J'aime moins. Bah, on verra parce que moi, je trouve qu'ils ont quand même collé vraiment au film original pour une fois, d'après la bande-annonce. Donc, je pense qu'ils vont pas trop s'éloigner. Après, pour moi, c'était pas assez vieux Intouchable pour qu'ils refassent. L'histoire, elle est modifiée. Ah oui, ça, moi aussi, hein, l'histoire, elle est modifiée. Hein. Je sais que Kevin Hart, dans le film Intouchable américain, il est parent, il doit s'occuper de celui perso, la garde de son fils. Dans le style du film, ils ont gardé un peu la même saveur. Quoi. Moi, je suis pas pour, personnellement. Moi, je trouve que Kevin Hart, on l'a trouvé dans des registres marrants pour lui donner un registre comme ça tout de suite. Surtout face à Bryan Cranston, on aurait dû trouver un. Il y a plein d'acteurs qui auraient été à la tête. Trop gros, trop puissant. Ok. Ensuite. Et ensuite, donc pour finir, et bah, la prophétie de l'horloge. Donc, on a combien de millions là ? 56 millions aux États-Unis. C'est bon ou pas 56 millions aux États-Unis ? 91 millions aux États-Unis. 91 millions, c'est pas. À travers le monde, ça commence à être pas mal. 56 millions aux États-Unis, c'est moins. C'est, après, non, faut, on il faut pas un comparer succès. Au budget, hein, parce que c'est vrai que généralement aux États-Unis, il faut ouais, que, on compare avec qu'il y ait au moins budget. 3 fois, okay. Que ça fasse 3 fois le budget. 56 millions, je pense pas que ça fasse 3 fois son budget. Okay. Donc, bon. Non, c'est pas terrible. Donc voilà. Ensuite, mon cher ami, et bah donc, c'est ton petit jeu ou c'est moi? Alors, à la fin de chaque box-office, je prépare un petit film succès. Ah. Donc un petit succès surprise. Donc c'est vrai que pour le jour de la première, on a parlé, c'était Mamma Mia que je voulais parler du succès surprise de l'été. Là, non, c'est Mamma Mia 2 que ça a marché ? Le succès, alors oui, alors, non. Ça c'était pour la première, c'était pas pour celui d'aujourd'hui, mais la première, Mamma Mia 2. C'est intéressant à savoir. Alors c'est quasiment la moitié, hein. C'est sûr que ça fait quasiment la moitié des chiffres du premier. Mais c'est quand même 377 millions au box-office. Et 377 millions, pour vous dire, c'est quand même des chiffres qui... oui. Ça a dépassé des chiffres comme Captain America 1, Mad Max Fury Road, c'est plus au-dessus. Donc c'est un bon succès. Pas, un succès. Ça m'étonne pas trop. Ça m'étonne pas, c'est vrai que mais apparemment, il a été réussi. Donc c'est que vraiment, pour le coup... Ce qu'on m'a dit, ouais. Moi, je m'étais pas trop intéressé. En France, je crois pas que ça ait fait grand boom. Non, en France, non. Mais c'est ça aussi, c'est un peu, c'est un peu l'effet. Hein. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, des fois, ça cartonne, c'est des trucs de ouf. Et en France, ça passe totalement inaperçu. Ou le contraire. Et donc là, cette semaine, le succès surprise, c'est The La Nonne, donc du film Conjuring, qui est le plus gros succès de la franchise Conjuring, avec 346 millions. Et donc, voilà, tout était dit. J'ai l'impression que c'est devenu une mode d'aller voir avec des potes des films d'horreur, non ? Ouais. Ah, mais carrément. Quand même, bon, peut-être déjà à une certaine époque. Moi, j'aime pas aller au cinéma avec des gens qui vont pas y aller dans le même intérêt que toi. Ça arrive voir un film d'horreur, moi ça me dépasse pas d'aller voir entre copains. Par contre, aller voir un film d'horreur où tu auras des mecs qui vont se taper une barre 10 minutes après avoir sursauté, ça c'est pas possible. Ah oui, non. Ouais, c'est non, quelque chose. Mais... généralement, les films d'horreur, c'est quand des gens qui sont pas trop cinéphiles, c'est généralement le genre de sentiment qui est développé. Donc voilà, donc La Nonne, plus gros succès. On rappelle que les premiers Conjuring ont dépassé les 300 millions, que Annabelle 2 avait dépassé 200 millions. Et que Annabelle 1 avait dépassé 200 millions et que Annabelle 2 avait dépassé les 300 millions. Donc au jour, c'est vraiment des chiffres de blockbuster quoi. C'est la base de blockbuster pour des films qui n'en sont pas. Donc, chapeau à James Wan pour cet univers. Et surtout aussi pourquoi c'est des succès surprises, c'est que ça coûte pas cher à faire. Et puis c'est le premier. C'est le premier univers partagé chez les films d'horreur. On oublie les films Freddy contre Jason. C'est quand même des spin-offs, c'est-à-dire qu'on introduit les personnages, Annabelle, dans les films Conjuring pour pouvoir faire leur film solo après. C'est une inverse de Avengers. On préparait les films solo pour faire les réunir. Là, c'est vrai qu'on met tout dans un même film pour ensuite les séparer. Et je pense que c'est ça qui marche. Ok, sympa. Ok. Bon, merci Gauthier. Est-ce qu'on n'aurait pas ce petit jeu que... Eh bien, bien sûr qu'on a ce petit jeu. En plus, vu qu'il n'y a personne, eh ben, c'est cool. Vous savez quoi ? Il y en a plein pour vous. Ah. J'en avais plus. On a tout le gâteau. On va commencer d'ailleurs. Je vais commencer par celui de Sofiane. Qui veut vous les faire, celui que j'ai préparé pour Sofiane ? Tommy, allons-y. Oui, je sais pas c'est quoi, mais vas-y. Alors, qui a rapporté plus entre Da Vinci Code et Je suis une légende ? Ah, bah sinon, on peut jouer tous les deux. Mais on verra si on a la même réponse ou pas. Ah, ouais, j'avoue, on peut choisir tous les deux sinon. Donc, entre Da Vinci Code et. On peut essayer de donner une estimation si vous voulez. Ouais. Vous voyez les chiffres. Ne nous demande rien du tout, d'accord. Je vous dis, c'est plusieurs centaines de millions. Alors là, c'est la question, c'est quoi, c'est. Alors, qui a rapporté le plus à travers le monde, sans prendre en compte l'inflation ? Ok. Da Vinci Code. Je suis une légende. C'est chaud. Je réfléchis. Est-ce qu'il y a le livre Da Vinci Code, mais il y a Will Smith dans Je suis une légende. Moi, je dirais Da Vinci Code. Il faut savoir que les deux films. C'était des phénomènes à leur sortie. Da Vinci Code a totalement révolué le genre de l'énigme de la mystère. Du coup, moi, je vais sur Je suis une légende. Da Vinci Code. Et Je suis une légende, je pense quand même. Mais... Da Vinci Code ? Moi, je dirais Je suis une légende. Je suis une légende ? Et c'est Da Vinci Code. Ah ! Par contre, c'est des gros chiffres. Hein. Je suis une légende, c'est 585 millions. Et Da Vinci Code, c'est 758 millions. Waouh ! Wow. C'est juste énorme. Da Vinci Code, pour l'époque où il est sorti, c'était juste énorme. C'est logique avec le livre et tout aussi, c'est sûr. C'est quoi une bonne sortie mondiale ? C'est quoi ? En moyenne ? 100 millions ? 200 millions ? Après, tu me dis par rapport au budget, mais je veux dire en moyenne 100 millions. Pour les films populaires, faut que c'est dépassé les 200 millions. Moi, pour dire, Power Rangers a fait moins de 200 millions. C'est un échec total. Donc, c'est un échec. Okay. C'est un échec total. Bon, 200 millions, c'est la. Max Fury Road, qui était parti, a fait 300 millions. C'est pas du gros chiffre, mais c'est à peu près le minimum de ce qu'on demande pour un film. Okay. Dès lors que ça commence à être 300 millions, c'est pas mal. Ok. Ensuite. Celui pour Guillaume, il était pas mal. Mais c'est vrai que c'est logique avec le livre d'Anchi Code et tout. Non, et bon, c'est vrai. Parce qu'en fait, les suites n'ont pas eu une grosse impact. Une légende n'a pas eu de suite, donc il reste authentique. Da Vinci Code a eu des suites qui n'ont pas eu le même impact. Mais Da Vinci Code, moi, on était jeunes à l'époque, mais quand il est sorti, c'était un phénomène, Da Vinci Code. C'est vrai que c'était un film le gros film du moment. Ouais, ouais, ouais. Et puis tout le monde est allé le voir aussi. Tous les âges, en fait. 758 millions à cette époque-là, c'était plus que pas mal. Alors, bon casting, hein. Tom Hanks, Toutou, et Jean Reno dedans. Hein. Ouais, aussi. Alors, entre La Passion du Christ et Django Unchained. La Passion du Christ. Là, film religieux, celui-ci, non, Django, Passion moi, du Christ. C'est Quentin Tarantino, c'est western. Moi, c'est Django. Passion du Christ, c'est Mel Gibson, et on est sur... Comme ça, je suis en désaccord avec lui, Django. Django Unchained a rapporté 425 millions. Ouais. Et La Passion du Christ en a rapporté 611. Voilà. Ah ouais. Pareil, gros film à scandale. Oui. Bah, scandale. Ouais, ouais, enfin, c'était la représentation qui était. Pas, pas scandale, polémique. Ça a bien parlé, voilà, polémique. Polémique. Ouais. Mais ça a bien parlé, alors, Tommy, ça c'est celui que j'avais préparé pour toi. Entre le Loup de Wall Street et Gravity. Ouh. Ah, c'est piège ça, non, un peu. Moi je dirais Gravity. Hein. Les gens, les, dis-toi, non mais, est-ce que, dis-toi des étrangers, d'accord ? Donc tu penses pas à nous et tu penses pas. Par exemple, des gens qui sont, je sais pas moi, les Indiens par exemple. Est-ce qu'ils vont voir le Loup de Wall Street ou ils vont voir Gravity ? Ils vont voir Gravity. J'aurais dit le Loup de Wall Street. Les Russes, DiCaprio. Pense aux Russes. Dis pas ça parce que je crois que le Loup de Wall Street a plus rapporté en. Loup de Wall Street. En Inde que. Moi je dirais Loup de Wall Street, DiCaprio quand même. Moi je dis Gravity quand même. Hein. Et bah c'est Gravity. Ah, voilà. Il y a les Russes. Mais il y a quand même, c'est Loup de Wall Street a rapporté 392. Tu l'as je crois. Et Gravity 723. Donc Gravity, ouais, c'était vraiment le gros succès. Ah oui, quand même. Moi je me réfère au thème du film. Ouais, c'est vrai, mais. Le truc dans l'espace, vrai, ça marche toujours. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. À part quelques trucs. Ah, ça, celui que j'ai préparé pour Ismail. Entre The Amazing Spider-Man et X-Men Day of Future Past. Alors redis parce que j'ai pas entendu. Entre The Amazing Spider-Man, ouais, et X-Men Day of Future Past. X-Men. Ah, moi je dis X-Men. Mais Spider-Man. Faut savoir que The Amazing Spider-Man ont été des succès. Ont été des échecs critiques. Mais au box-office, ouais, ils ont peut-être pas forcément. Mais je dirais X-Men quand même. Hein. Je dirais Spider-Man. Et bien, ça a été très collé. C'est-à-dire que X-Men, en plus, je crois qu'ils sont sortis la même année. Donc, X-Men, j'ai perdu, si tu commences par X-Men, c'est je crois que The Amazing Spider-Man est sorti en avril et que X-Men est sorti au mois de mai. X-Men a rapporté 747 millions, à peu près. Et The Amazing Spider-Man, 757. Punaise! Et pour vous dire que The Amazing Spider-Man, c'est que le 2 était directement descendu à 702. Ah oui, oui. Donc quand tu passes de 757 à 702, même si c'est, ça reste des gros chiffres, on se pose des questions. 757 à 750, à 702. Ça refait la même avec Deadpool cette année. Bah, c'est non, un, 757 à 702. Oui. 702 millions. 50 millions. Ça reste des gros chiffres, mais on peut comprendre les chiffres. Je pense pas qu'ils vont pleurer les 50 millions. Sachant que les premiers Spider-Man de Sam Raimi, il n'y en avait aucun qui avait fait moins de 800 millions, donc quand on arrive à... Ah, moi j'aurais pensé qu'avec X-Men, le commencement qui était avant Day of Future Past, ça aurait. Bah, X-Men Day of Future Past, ça reste pour beaucoup le meilleur film des X-Men. Moi, je pense sincèrement, c'est surtout les enfants. Les petits vont voir Spider-Man. J'avoue, Spider-Man, X-Men, c'est pas assez. X-Men, c'est vraiment le plus gros succès. C'est-à-dire que Apocalypse derrière n'a fait que 500 et quelques. C'est-à-dire que c'est vraiment, quand tu regardes les chiffres des X-Men, c'est vraiment. Il n'y avait pas de grosse tête d'affiche, à part bien sûr les acteurs qu'on connaît nous, mais c'est vrai que pour les gamins. Ou même. Bah, X-Men Day of Future Past, c'était. Après, surtout, c'était le film qui faisait la passe entre les anciens acteurs et les nouveaux. C'est vrai, Spider-Man, c'est. Plus les enfants, c'est direct. Ouais. C'est ça peut être Pierre-Paul Jacques c'est... dedans, ils s'en foutent. Hein. Et le dernier, il est pour toi. Oh. Je prendrai quand même. Entre Grand Torino ouais. Et Pretty Woman. Pretty Woman. Oh, ouais. C'est dur ça. Eh ouais. C'est pas facile hein, des fois quand, quand t'as les films. Pense comme ça. Mondial. Un ouais, russe. Ouais, c'est vrai, pense mondial. Aux Russes. Non, je plaisante. non, mais je pense qu'il serait plus dans le. Moi, je dirais Grand Torino. Pour la raison que c'est Clint Eastwood qui joue dedans et Clint Eastwood est connu mondialement. Ouais, c'est pas faux. Et il est connu surtout pour ses films de western et Grand Torino, il y a eu un effet boule de neige et je pense que c'est Grand Torino. Je reste sur Pretty Woman pour faire le jeu. Mais... Et Pretty Woman, il y a eu un succès surtout aussi à la télévision. Ah, c'est vrai ça. Ouais. Ah oui, ouais, c'est Grand Torino alors. C'est et bah, Grand Torino a rapporté 270 millions et Pretty Woman 463. Oh putain, non, j'ai perdu. Waouh! Ah ouais, comme quoi des je fois, pas compte. Alors faut savoir que c'est ça aussi, moi je m'en rends compte beaucoup dans le box-office. Il y a, je pourrais même vous faire une liste de top 10 films qui sont vraiment devenus des off-cultes, qui aujourd'hui, quand on en parle, on sait que c'est ils des off-cultes. Qui n'ont pas marché de ouf. Mais qui n'ont pas marché au cinéma. Ah, Mad Max, le premier Mad Max n'a pas marché au cinéma. Ouais, ça m'étonne pas. Le premier, les films, là, les Halloween, tout ça, les premiers, ça marchait pas au cinéma. The Things, le film d'horreur là, avec la créature là, qui sort Carpenter, des trucs là. Non, voilà, John Carpenter, c'est un film qui est devenu culte à sa sortie en DVD. Donc c'est pour ça que des fois faut les chiffres au cinéma. Mais ouais, celui-là ça m'étonne pas parce que je sais pas. Après ça dépend de quand il sort, de quel truc. Grand Torino c'est devenu un film culte parce que nous on l'a vu, on sait qu'il est bien. Mais à l'époque ça se trouve il y a beaucoup plus de budget sur Pretty Woman, beaucoup plus de com. Peut-être qu'il est sorti à un moment où il y a plus de concurrence. Comédie romantique ça marche toujours. Ça marche toujours. Ça va, voilà. Grand Torino ça avait quand même un côté sérieux, un peu sombre. Il était pas violent, mais c'était un côté un peu sombre. On va finir avec toi, Tommy. Tu as vu L'ombre d'Emily de Paul Feig. Alors pour rappeler, Paul Feig c'est celui qui avait fait SOS Fantôme version féminine. Et ben là il a fait mieux. Il a fait beaucoup de comédies aussi. Et là hop. Il fait plus une. Ah, il y a un peu de comédie, si je me trompe pas, mais c'est surtout un policier, entre guillemets. C'est plus un thriller, ouais. Thriller policier. Thriller drame, okay. Dramatique même. Déjà, est-ce que tu peux nous dire en deux mots, hein, c'est quoi un peu l'histoire, le pitch ? Alors, le pitch, c'est. On est au début, on est sur une fille un peu. C'est un peu la maman qui est super gentille, pas coincée, mais. Enfin, si, un peu coincée. Jouée par Anna Kendrick, c'est ça ? Jouée par Anna Kendrick, c'est ça. Et il y a Blake Lively qui arrive, c'est genre la maman, genre maman patronne, elle fait ce qu'elle veut, enfin... C'est vraiment la différence, les deux, c'est pas du tout les mêmes. D'accord. Sauf qu'elles ont toutes les deux des fils. D'accord. Et ils sont dans la même école. Et, un jour, les deux enfants veulent jouer ensemble, en fait. Ok. Et la mère, Blake Lively, elle a pas le temps, elle dit non, bon... Et du coup, elle invite l'autre mère, Anna Kendrick, à venir chez elle pour boire un verre pendant que les enfants jouent. Et en fait, il y a un peu une amitié qui se fait entre eux, mais on sent bien que c'est une amitié où... Anna Kendrick qui apprend un peu comme modèle le clip. Ah d'accord. Il y en a pas trop. Une admiration. Voilà, il y a un petit peu ça, mais c'est pas trop abusé. Enfin, il nous le montre un tout petit peu. C'est subtil. C'est subtil, voilà. C'est très subtil. Et il se passe un truc dans le film. D'accord. Il y a Blake Lively qui disparaît. D'accord. Et du coup, en fait, bah, il y a toute l'histoire. Genre Anna Kendrick qui cherche son amie. D'accord. Elle dit sa meilleure amie alors qu'ils se connaissent que depuis, on va dire, 2 mois, des ouais, trucs comme ça. Ouais. Ok. Bon. Mais c'est bien ficelé, tu te demandes vraiment, attends, elle est où l'autre, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. C'est représentatif de la jeunesse aujourd'hui. Hein. Et des bonnes petites surprises. Vous êtes dans n'importe quel cours de collège, vous voyez des filles, ça fait 2 semaines qu'elles se connaissent, elles sont là à se faire des poupouilles, ah ouais, salut, t'es ma meilleure amie, t'es ma bestate. C'est tout à fait ça. Et en fait, il y en a une. En fait, c'est un peu une perverse narcissique, l'autre, la Blake Lively. Parce qu'elle prend une petite, ou qu'elle peut contrôler en fait facilement. Parce qu'au début, elle dit, ouais, on est amis, tout ça, mais en fait, elle en profite pour faire garder son gosse à Anna Kendrick. Mm-hmm. Et ça effectivement, comme dit Gauthier, on peut faire ses petites affaires, quoi. Voilà, il y en a beaucoup, comme dit Gauthier, il y a beaucoup ça, les jeunes font beaucoup ça dans les lycées, les collèges et tout. Tout ce qui est pervers narcissique. Pour moi, c'est carrément une histoire. C'est son personnage, d'accord. C'est une manière d'être tactile, mais trop rapidement, genre trop comme ça. Mais du coup, il y a des petites surprises dans le film. Ouais. Mais t'as kiffé le film, t'as trouvé ça sympa? Ouais, j'ai kiffé, c'était sympa. Réalisation simple, originale. Ouais, ouais. On est quoi? On est dans la comédie, on rigole? Est-ce qu'on est dans tout? Non, c'est plus... ouais, c'est vraiment un thriller, genre tu te demandes, attends, il va se passer quoi là et tout. Je dis pas... Il y a des trucs, bien sûr, tu le vois venir, bien sûr. Il y a des choses, tu le vois venir. Mais je trouve que c'est bien construit, l'histoire, elle suit bien. Même jusqu'à la fin, tout est bien fait. Je sais pas, il n'y a pas trop d'incohérences, il y a peut-être petits trucs qui pêchent un peu pour moi. Mais le film se suit bien, il y a une bonne cohérence dans le film, et des bonnes petites surprises quand même. Malgré que ce soit un peu du déjà vu, ce genre d'histoire, mais il y a des petites surprises. C'est vrai que ça fait du bien de toujours revoir, hein, parce que c'est vrai que, comme il dit, hein, c'est du déjà vu. Mais un petit peu c'est bien parce que c'est le typique genre de scénario, il suffit d'un détail pour changer complètement l'atmosphère. Et là, je trouve qu'ils ont réussi à mettre. Il y en a un potentiel énorme, et c'est vrai que régulièrement, en avoir, bah, ça fait du bien, en fait, d'avoir ce genre de. Moi, je l'ai pas vu, donc ça, je pourrais pas lui donner un genre précis. Mais leur amitié. Je comprends pourquoi ils disent meilleur ami. Et en fait, il y a vraiment une amitié quand même. Malgré qu'il y en a une qui est un peu plus. Il y en a une qui a une admiration et l'autre qui la contrôle. Malgré ça, tu sens quand même qu'il y a une amitié. D'accord. Parce que l'autre qui est pervers narcissique, voilà, personne ne l'aime parce que tu allais un peu trop, genre. Enfin, c'est la meuf, genre, ouais, non. Enfin, pour les autres, c'est un peu une connasse, tout ça et tout. Même dès au début, la première fois qu'elle se parle, les deux, il y a d'autres parents d'enfants qui disent, oh, on va se faire bouffer. C'est comme tout, en fait. C'est quand on commence à être. Trop en contact avec une personne, peu importe l'ambiance, peu importe tout ça, mais quand on est constamment avec une personne, même s'il y a de la manipulation, même si toi tu fais l'hypocrite, tu l'aimes pas trop, tout ça, tu finis forcément par t'attacher à cette personne, forcément par t'habituer. Et je trouve que c'est bien. Et je pense que c'est quelque chose qui est vachement dépeint. Et c'est bien fait dans le film. J'ai eu beaucoup de critiques et c'est quelque chose qui est vachement dépeint dans ce film et moi il me donne beaucoup envie d'aller le voir. Bah, franchement, j'avoue que l'affiche. J'essaie de pas trop te spoiler, mais. Moi j'ai trouvé. Parce que Sofiane et Guillaume rigolaient un peu de l'affiche parce que ils trouvaient ça un peu cliché. Moi j'adore, c'est l'inverse. Moi elle m'attire l'affiche. L'affiche elle est incroyable. Et le casting aussi parce que certes c'est pas des actrices qui sont connues pour ce type de film. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant. Elles sont bien. Ouais. Enfin, quoi qu'Anna Kendrick avec son rôle dans Beach Perfect, enfin c'est le truc où elle change. Mais quand on veut pas voir du film populaire, du blockbuster et tout. C'est l'entre-deux. Mais quand on veut pas forcément aller voir quelque chose de représentatif, un biopic, un documentaire, c'est le genre de film parfait à aller voir. Je l'ai vu avant d'aller au taf. Je l'ai pas vu, je lui colle de la pommade dessus, mais je l'ai pas vu. Mais c'est vrai, ça c'est un genre de film qui. Moi je trouve cool. Mais je trouve cool. D'accord. Vraiment, bonne surprise. Bah c'est bien, sinon, mais c'est cool. Je serais capable de l'acheter plus tard, même pas au prix le plus fort quand il vient de sortir. Mais un peu plus tard, je le vois pas trop cher. Mm-hmm. Par exemple, j'achète toujours mes films à cash ou trucs du genre. Un film que j'ai bien aimé, je vois il est pas cher, je le prends. Si je le vois un jour là-dedans, je le prendrai. Okay. C'est un film qui est dans ma collection. Cool. Quoi. Bah, merci beaucoup pour cette critique positive de ce film que tu conseilles alors. Oui. Très bien. Avec Star Is Born, même si on en a déjà parlé. Mais tu pourras aussi peut-être en parler même la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut se faire. Il nous reste 5 minutes. À la 2 pendant 5 minutes. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Parce que ça marche quand même, juste je pense. Promouvoir un petit film de minutes. Parler juste d'un petit film, ça va être rapide. C'est un film que j'ai vu cet été. J'ai pas eu le temps d'en parler à la première. Ça s'appelle. J'en parle parce que ça va être Halloween. Ça s'appelle Summer of. 84, donc c'est l'été de 1984, donc c'est un peu très un peu très copié sur tout ce qu'on aime en ce moment. Donc on retrouve une bande d'Américains dans les années 80, c'est des enfants un peu à la Stranger Things, tout ça. Et l'histoire commence très soft, c'est un petit garçon qui est persuadé que son voisin est le tueur en série que tout le monde, dont tout le monde entend parler. Et si l'histoire commence par une allure de petite comédie sympathique, on va s'apercevoir que le garçon est complètement à côté de la plaque. Finalement, ça prend un côté un peu plus sombre, un peu plus violent, et ça, ce film a un twist final mais absolument génial en fait. Et donc du coup je le conseille parce qu'il est passé très inaperçu cet été et en Halloween. Il est sorti au cinéma. Il est sorti au cinéma, ouais, cet été. Il est sorti. Je n'ai absolument pas. Alors en France je sais pas parce que moi bien sûr moi je m'intéresse aux États-Unis. Alors je sais qu'il est sorti le 10 août aux États-Unis. Moi j'ai eu l'occasion de le voir en VostFR. Mais pour. T'as vu ça où? Mais sur l'endroit interdit, c'est ça? Sur l'endroit interdit, oui, je l'ai vu en VostFR sur internet. Il est aussi en version française ou je sais pas, c'est peut-être la version québécoise. Mais en tout cas, c'est voilà, Summer of 8. Summer of 84. L'été de 1980, l'été de 84. Bon, okay. Ah, attends, je suis en train de chercher s'il est sorti. Ah, il est même pas sorti chez nous. Moi, j'ai une mini parenthèse. Il faut quand même que je crache un peu sur un film, désolé. J'ai vu Little Stranger. Ouais. Bon, je sais que ça s'est tiré d'un livre. En fait, le film est... les acteurs jouent bien, mais le film est très long. Et en fait, tu t'attends quelque chose, t'attends, et en fait, il se passe rien dans le film. Oui, c'est avec c'est l'acteur qui joue un des frères Weasley. Dans Star Wars aussi, le commandant. Il est dans un épisode de Black Mirror. Ouais. C'est un bon acteur, il joue bien. Donald Gleeson. Voilà. Je dis très mal son nom, mais c'est Donald Gleeson. Ouais, c'est un truc déjà. Et aussi, c'est pas lui qui est dans Pierre Lapin, et dans Franck aussi. Voilà. Ouais. Mais du coup, juste pour dire, le film, donc l'acteur joue bien. Ex Machina aussi. C'est le mec qui veut couper à chaque fois. Ah. Oui, non, mais c'est vrai en plus. Mais du coup, les acteurs jouent bien, mais le film, je le trouve super long et lent. Et t'as pas kiffé du tout, quoi. Quand tu lis, tu vas sur nos ciné ou quelque chose, ils disent film d'épouvante horreur. Toi, tu lis ça, tu vois le film, je pense que tu c'est dis ça. Après, c'est ça aussi aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a un film qui marche bien, il y en a plein de studios qui vont sortir un défilé de films qui vont à peu près avoir le scénario similaire. Il y a celui qui marchera, celui qui marchera pas. Ah bah, pour moi, ça marche pas du tout. Summer of, bon, je veux dire 84, je veux dire en français, tant pis. Je le conseille parce qu'à l'approche de mon film, tu le conseilles, mais il faut le trouver. Il est nulle part. Donc, les gens, allez là où vous pouvez, si vous voyez ce que je veux dire. Vous savez quoi? Le streaming. il me reste 2 minutes pour Aladdin 2. Donc, le film n'est pas sorti en France, donc tu veux qu'il voit Bayou à part eux sur internet. Donc Aladdin 2, la suite des aventures d'Aladdin. Je vais vous avouer que j'ai pas vu le 1. Donc je suis allé voir le 2 pour Jamel Debbouze. En fait, quand j'ai vu sur l'affiche et j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, allez, on se fait l'expérience. Tout le monde me dit, mais on va dire la vérité, tout le monde dit oui, c'est de la merde, c'est de l'humour, c'est la honte, machin, tout ça. Mais ça marche super bien. Donc à un moment donné, il y a quand même une contradiction. Je suis allé voir le film et je vous jure, il dure 1h30. J'avoue qu'il y a un quart d'heure qui sont des mauvaises blagues, ok, mais 1h15 du film où c'est sympatoche, c'est sympathique, c'est un film qui passe, c'est un film familial, des moments il y a un peu de lourdeur certes, mais c'est plutôt bien joué, Jamel Debbouze fait le boulot à 100% et on sent que c'est un film au troisième degré, et je répète pour les gens qui veulent le défoncer, c'est un film au troisième degré, on se calme. Mais c'est surtout le grand retour de Eric Ramsey ensemble à l'écran et de tout la série Jamel H Debbouze, en fait, ouais, c'est vrai, Jamel Debbouze. C'est ça qui était intéressant. Le casting est génial. Ramsey, je l'ai adoré dans le film. Jamel Debbouze, le chef de l'humour. Kev Adams, il n'a pas un rôle important, en fait. Il a un rôle de héros basique, mais il fait le taf. Et franchement, j'ai trouvé ça... Il y a des séquences où j'étais mort de rire, j'avoue, et il y a des séquences un peu moins. Mais il y a à prendre à laisser. Il y a beaucoup de propositions dans ce film. Et pour moi, c'est un film qui est quasiment... pas une parodie, mais comme une pastiche, en fait. Tu vois, c'est une pastiche des films d'aventure où, tu vois, alors je vais comparer, et là on va dire, mais il est fou, comment il peut comparer ça, mais Monty Python, il le faisait bien. Il faisait des films sur les Moyen-Âge, après il faisait des films sur des films historiques, etc. C'est des parodies, c'est un peu des parodies. Exactement, et moi je le vois de la même manière, on est dans le même univers, un univers quand même totalement décalé, et c'est pas parce que c'est français qu'il y a certaines blagues un peu lourdes qu'il faut le défoncer comme c'est pas permis. Ouais, parce que regarde le problème. Je sais pas comment dans le 2 ils l'ont introduit ça, mais dans le 1, l'histoire qu'on voit dans le 1, c'est juste l'histoire que Kev Adams raconte aux enfants déguisés en Père Noël. Bah là c'est pareil, mais dans un avion. Bah voilà, donc c'est des histoires qu'ils racontent, donc on sait très bien que c'est des histoires, on sait très bien que les gens ils remasterisent les histoires. C'est ça le but, c'est finalement, c'est écouter, enfin regarder quelqu'un raconter Aladdin, sa façon de vivre Aladdin. Et franchement, honnêtement, moi je me suis beaucoup marré parce que c'est vrai que ça fait très spectacle humoriste en fait. On sent qu'on a pris plein de mecs drôles et puis ils font leur show. Il y a de la surenchère, mais la surenchère elle est sympa. Franchement, honnêtement, je vais vous dire une vérité. Je vois beaucoup de films, films français, ça m'arrive de voir des comédies, mais des comédies comme ça, on n'en a pas beaucoup, en fait. Parce qu'on a l'impression qu'on en voit tout le temps, mais des comédies comme celle-ci, c'est très rare, des films troisième degré comme ça, c'est rare. Il y en avait rare. Un qui était pas mal, avec des bons décors, des vrais effets spéciaux. Il y en a qui sort Alain Chabat, là, son film là, de Noël l'année dernière. C'est Chabat, toi, tu l'appelles. Tu l'appelles comment? Chabat. Chabat, ouais. C'est Chabat, tu dis pas le thème, mais c'est pas grave. Excuse-moi. Mais non, c'est ta compagnie, tu parles. Ouais, voilà. Alors ça, par exemple, non. Non, mais c'est un truc. Mais je veux dire, c'est je que je suis passé à côté de ce film. Je regardais quoi. Mais je regardais. Il oui. était pas dégueulasse. Mais je regardais. Mais dans le César, c'est-à-dire qu'on donne des moyens, on donne des effets spéciaux. Et les effets spéciaux, on sait que les Français, ils ont eu du mal à s'adapter aux effets spéciaux. Ouais. Là, pour le coup, aujourd'hui, on a les moyens. Faut pas dire ça. C'est pas les Français, c'est plutôt les productions françaises qui ont du mal à mettre de l'argent aux effets spéciaux. C'est vrai, parce qu'il y en a certains qui se battent. Parce que les Français, Chabat, s'en sortaient, lui plaisait très bien. Mais c'est vrai que voilà, il y en a pas beaucoup. Moi, je sais qu'avant la 2, la seule comédie un peu comme ça décalée, c'était l'année dernière avec Alain Chabat. Ouais. Donc c'est vrai que, comme tu dis, il y en a pas beaucoup. Mais non. Et ça manque parce qu'avant, c'est ce qui marchait. Les comédies lourdes, autant qu'on se dise, ou les comédies très mauvaises. Moi, je pense à La Vérité si je mens 3. Ça, pour moi, c'est une comédie lourde. Philippe Lachaud, bon, il divise. Ok. Bon, là, je peux dire oui, c'est d'accord, ça peut être très lourd, etc. Je suis d'accord. Les Tuches, là, on peut en parler de la lourdeur, des machins, et trucs, pipi caca et tout ce qui suit. Bon, peut-être que le Aladdin 1 était très lourd, je l'ai pas vu, autant que je dis. Mais le 2, je trouve très soft. Et franchement, il y a le truc que j'ai beaucoup aimé, c'est on fait un film, vous aimez pas, on fait un délire, on est en impro, on fait des délires comme on fait à la télévision, comme on fait dans nos spectacles. Vous prenez pas. Mais s'il y a une proposition, c'est de la déconnade, troisième degré. Et puis surtout, je l'ai pris comme ça. Et alors, je dis pas non plus que c'est le grand film de l'année. Ramzy et Eric Judor et Jamel Debbouze dans un même film. Les et quatre. Il y a Tal. Moi, il y a Tal. J'étais très content. par contre, l'actrice principale. Oui, Vanessa Guide qui est très bien dans le film. Apparemment, c'est c'est ce que j'ai lu. Oui, c'est un peu une révélation dans le cinéma français. Voilà, c'est un peu. Je souhaite que le premier. Je sais pas si c'était la même, mais moi dans le premier, je me souviens. C'était moi encore, je me souviens du premier rôle féminin. Il m'avait pas marqué. Je me souviens, c'était la sœur d'Aïe. C'était Audrey Lamy qui volait la vedette. Avec William Legby. Voilà, qui volait la vedette. Et du coup, c'est elle jouait le rôle d'Audrey Lamy dedans. Non, l'autre. Audrey Lamy. Et avec William Legby, j'aime bien. Donc dans le premier, donc du coup, c'est vrai que elle c'était un peu la star montante, tout ça. Et c'est vrai que l'actrice, et pour coup, là, elle est vraiment mise sur le devant en fait. Ouais, avec ce que j'ai entendu dire. Et ce que j'aime bien, c'est de l'humour à deux en fait. C'est pas de l'humour où je suis tout seul et je sors des vannes. C'est vraiment du tac au tac, c'est du ping pong. Après qu'on déteste ce genre de film, je le comprends tout à fait. Qu'on le défonce facilement et gratuitement, pour ce que j'ai vu pire dans ma vie. Ouais, puis faut arrêter de croire que le cinéma, c'est forcément faut que ce soit sérieux. Si le cinéma, en couille dans certains films. Ça bien, alors certains le font bien, tout de moins, mais des fois ça fait quand même du bien de voir une comédie qui. Et je tiens à dire que le réalisateur c'est Lionel Skitiki, qui avait fait Casse Départ avec Fabrice Eboué, qui avait fait Crocodile de Botsonga avec Fabrice Eboué. Et c'est des films quand même qui sont pas nazes, hein, et réalisation est bien. Franchement, la réalisation est bien. Et je sais, parce que peut-être qu'ils nous écoutent, mais Sofiane et Guillaume qui vont venir la semaine prochaine et qui vont sûrement défoncer le film alors qu'ils l'ont pas vu, je vais leur dire arrêtez de défoncer des films facilement. Et c'est pas les seuls, il y en a plein. Et je trouve qu'il y a un mépris en plus dans ce milieu, et surtout le milieu de la presse, pour ces films-là, un mépris mais ignoble. Après, on va pas se le cacher, on peut d'ailleurs piquer là-dessus, faire une bonne transition avec ce que Hollywood Reporter a vu. Hollywood Reporter, qui est un très grand magazine, un très grand média de cinéma, a parlé justement de Aladdin 2, n'a pas défoncé le film, a même souligné qu'il y avait moins de le côté potage, le côté pipi caca moindre que le premier. Mais par contre, Kev Adams, il s'est fait défoncer. Et c'est ça la vraie question. Est-ce que... Non, mais les Américains, on se calme. Parce que moi, quand j'entends des gens disent « Ah oui, les films avec John C. Reilly dedans, les frères, là, Siamois, ou je sais... Non, les frères malgré moi, ou un truc comme ça, avec John C. Reilly et l'autre acteur qui est très connu. » Moi, je suis désolé, mais ça, pour moi, c'est pipi caca. Bah, moi, je suis d'accord, mais j'ai l'impression que pour les Américains, les Français n'ont pas le droit à la comédie. Ils n'ont pas le droit à la déconnade. Un peu kitsch, un peu... Les Américains, ils te font du pipi caca avec aussi des trucs de cul, et ils te font des trucs Jackman très lourds. Avec des couilles. Très, bah voilà, par exemple. Non, mais je pense à Frère Malgré Eux, ou un truc comme ça, à Very Bad Cops, et je sais plus, une autre connerie, avec Rocky Machin, avec le mec qui fait de la... C'est peut-être ça, c'est parce que c'est leur truc. Ou pas de ce film aussi, avec le mec qui fait de la course de Formule 1. Et mais c'est comment il s'appelle ce mec, le comique américain, le plus connu? Eddie Murphy? Non, mais non, c'est un blanc avec des cheveux frisés un peu. Ah, qui a une tête chelou, mais. C'est Will. Oui, oui. Will Ferrell. Oui, voilà, Will Ferrell. Mais moi, je peux pas ce mec. Ouais, j'aime pas trop non plus. Et pour moi, ces films qui sont pour moi. Là, pour moi, je peux dire. Mais c'est mon avis personnel. Pour moi, c'est de la merde absolue. Et il y a des gens, ils vont dire c'est du génie parce que. Parce qu'ils prennent au troisième degré. Et bon, c'est vrai que si je le prends au troisième degré. Mais après, c'est ça, mais pour le genre de comédie, ils prennent qui ? Et je vois ils les... prennent un humoriste. Mais c'est ça. Et le problème, c'est que nous, en tant qu'acteurs, on n'arrive pas à bien les réaliser, qui va être l'équivalent des humoristes aux États-Unis et tout. Mais il y en a plein dans Very Bad Trip, par exemple, le trio Very Bad Trip, là, celui qui joue le dentiste. Mais lui, il est beaucoup plus connu pour être humoriste, pour faire des one-man shows. T'en as plein des acteurs qu'on voit dans les films américains, et eux, on les revoit quasiment à chaque fois dans chaque comédie. Mais. Vu que nous on les connaît moins sur les one-man shows, moins sur scène, on a moins cette impression-là. Mais pour redire par exemple à les films avec Will Ferrell, je dis que c'est de la merde parce que je réponds à ceux qui disent que les films avec Kev Adams c'est de la merde. Je défends pas Kev Adams, je suis pas un fan. Mais ce que je veux dire c'est que j'ai fait exprès, mais je trouve ça pas bon. Mais c'est pas pour ça que je vais non plus défoncer le film parce que je sais qu'il y a des gens, il y a des fans, il y a des aficionados du style américain, humour potache, lourd. Nous on en fait, il y a à prendre à laisser, il y a des trucs que j'aime pas du tout. Hein. Mais là par exemple à la 2, je trouve qu'il est potable. Et honnêtement, c'est potable, c'est pas nul. Bah non, c'est bien réalisé, il y a des bonnes trouvailles, il y a à prendre à laisser. Mais non, mais je justement, trouve que c'est facile de taper pour dessus la plupart, à chaque fois. La plupart de la critique, c'est pas le film qui pose problème, c'est Kev Adams. Et moi, c'est là aussi, oui. c'est encore plus. Non, mais il y a un mépris pour le genre de. De toute façon, à la 2, c'était sûr qu'il allait se faire défoncer parce que les gens n'avaient pas beaucoup qu'ils n'avaient pas accepté le 1. Donc c'est sûr que ceux qui ne défendaient pas le 1 n'avaient pas le 2. Mais moi, vraiment, ce que je souligne, c'est quand il défonce, quand on voit Kev Adams se faire défoncer et que je vois The Hollywood Reporter dire c'est un acteur qui n'est même pas drôle. Pour moi, c'est d'une connerie abyssale, puisque de toute manière, le mec est humoriste, le mec a fait des planches, il a rempli des scènes de spectacle entières. On peut pas aller dire que ce mec n'est pas drôle. On peut ne pas l'aimer, on peut ne pas l'apprécier, on peut pas lui dire ses mots. Et on ne peut pas dire qu'un humoriste, un acteur comme Kev n'a pas sa place au cinéma, quand on sait que Jerry Lebouche, qui est humoriste, il a quand même fait Indigène. Gad Elmaleh. Il y a Eric et Ramsey, ils ont fait des très bons films. Ramsey, aussi. Il fait des très bons films. Eric Judor, Omar, alors même si on n'aime pas trop, moi perso, j'aime pas trop ce qu'il fait. Bah avec Quentin Dupieux. Voilà, il s'est quand même éloigné du côté humour. Il faudra qu'on parle de ça aussi, le flic de Belleville. Alors ça, par exemple, j'ai très peur aussi, hein, autant que je dise. Moi non. Ah oui, ça, par contre, c'est le style de comédie où j'ai peur. Au contraire, moi non. Et tu veux que je te dise pourquoi ? Parce que c'est Omar Sy. Et Omar Sy, en France et aux États-Unis, c'est celui qui a le plus, qui est le plus passe, mais encore plus que Jean Desjardins, entre les États-Unis, entre Hollywood et ça. Donc si aujourd'hui, tu avais un acteur qui avait les moyens, je veux dire au niveau du contact, hein, au niveau du téléphone portable, pour pouvoir avoir une équipe autour de lui, avoir une production, avoir des gens qui puissent lui faire un film américain en français, entre guillemets, bah c'était lui, et il l'a fait. Et moi, je pense que le flic de Belleville, au contraire, après, ça a été un bon combat. Ils l'ont dit, c'est pas un remake du flic de Belleville. Oui, c'est juste c'est un clin d'œil. Voilà. Ça fera pas 10 millions. Après, attends, je finis juste ça. Je dis pourquoi pas. Ils refont bien tous les films, ils refont Intouchable et tout. Pourquoi nous, on n'aurait pas le droit de faire un peu bien sûr. Un truc référence. Mais pour conclure, je pense que la France peut se permettre de faire des films sur la déconnade. Il faut les voir au troisième degré. Je répète, il y a les Américains, ils font la même chose. On le dit, c'est du génie, on dit c'est génial. Et puis après, on peut avoir un avis personnel où on se dit, mais c'est vraiment mauvais. Et inversement, je veux dire, on peut aussi penser que c'est mauvais ce qu'il fait, mais pas besoin de lui défoncer et dire oui. Vous savez pourquoi, à mon avis ? Je sais pas, il y a un bashing facile. Les Américains, quand on parle du point de vue mondial, on voit qu'ils ont un peu une vie. Tu as deux minutes. J'ai pas envie de dire à la n'importe quoi, mais ils ont une vie un peu à fond à l'heure, voilà, les Américains, tout ça. En France, c'est vrai que le regard extérieur que l'autre, c'est qu'en France, notamment Paris, tout ça, c'est un côté un peu classe, un peu charismatique. Quand on prend Intouchable, qui est une comédie qui est absolument très drôle, mais dont. On boycotte tous les clichés. Bon, bah, le personnage principal vient d'une cité. Quand il écoute de la musique, il va pas mettre du rap. Il y a plein de trucs comme ça. Et ça passe. Et eux, c'est ce qu'ils attendent pour une comédie française. C'est qu'on enlève tous les clichés, qu'on enlève tout ça, tous les stéréotypes, qu'on enlève le petit jeune de cité qui écoute du rap, le petit tout ça, nanana. Moi, je suis pas forcément d'accord. Peut-être aussi, est-ce que ce serait pas aussi que l'humour en France, mais là, on peut faire un débat d'une heure, c'est l'humour en France est très clivant. On est très tendu sur. Il est très divisé. On est très tendu du string sur l'humour, quoi. Si très je peux divisé, me permettre. Parce qu'il y en a, qui vont pouvoir ne pas supporter Kev Adams, c'est pourtant passer deux heures devant à la 2 et qui fait le film. Et il y en a qui vont pas kiffer à la 2 parce que Kev Adams, que ça soit drôle ou pas, ils vont pas l'aimer, ils vont dire non, c'est pas drôle, tout ça. C'est les fortes têtes. Il y en a des et comme donc, ça. Les gens sont divisés. C'est-à-dire qu'on est là, on est là. Tu vas avoir un père de famille qui va emmener ses trois mômes, puis il y a les quatre autres mômes des copains qui va emmener ce truc pour aller voir à la 2. Le père, il va se faire chier. Et pas, peut-être pas parce qu'il finalement, il n'aime pas le film. Parce qu'il va avoir Kev Adams, il va pas supporter de se dire. Tu penses qu'il y a une étiquette dire... directe, quoi. Ouais. Ah, mais bien sûr, ah mais oui, bien sûr. Ça, et Kev Adams, c'est pas la première. Moi, j'ai vu Gangsterdam. Il y en a beaucoup qui ont détesté Gangsterdam, qui est aussi un peu kitsch et tout. Moi, j'ai adoré cette comédie. Et j'ai jamais vu un film où le rôle collait aussi bien à Kev Adams. Ouais, mais moi, j'ai pas fait son pote, par contre. Ouais, mais exactement. Mais c'est une belle révélation. Mais ouais, mais tu vois, c'est une belle révélation. C'est un bon personnage créé et tout. Et pourtant, ce film s'est fait défoncer. Pourquoi? Après, c'est subjectif. Mais c'est vrai qu'il y a, moi, ce qui m'énerve, c'est l'automatisme. On a l'impression. Les gens, ils ont du mal à il aurait même pu juste dire le projet de faire un 2, déjà, il y avait déjà une claque. Déjà mais ouais, les gens, je sais pas. Il y a sûrement aussi, c'est de la jalousie aussi, mais Kev Adams, il y en a plein. Moi, je pense qu'il faut laisser la chance aux jeunes humoristes. Mais oui, et puis en plus, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'ils disent toujours, alors ça, c'est un truc que j'entends, c'est oui, le cinéma, on a toujours les mêmes comédies, les machins. Mais attends, va au cinéma, parce que je te jure, on a tellement la chance d'avoir le CNC qui aide à financer tout style de film. Il y a de tout, et même dans les comédies, il y a les comédies auteurs, il y a les comédies potaches, il y a les comédies un peu faciles, et il y a les comédies super travaillées. Michel Blanc, il fait une comédie. Vous voyez comment on dort. Finé par exemple, et Kev Adams, il va faire par exemple une. Et plutôt Lionel Skeetiki, j'arrive pas à dire son nom, il va faire une comédie peut-être un petit peu plus potage, peut-être plus populaire, plus peut-être un peu enfantin. Parce que mais voilà, laissons les gens faire leur boulot. À l'époque des bronzés, t'aurais pris Michel Blanc dans un film un peu plus d'arrêté, un peu plus truc. Les gens, ils disent, mais Michel Blanc, lui, c'est la grosse star et tout. Aujourd'hui, il a un peu plus de recul. Il peut se permettre de faire des films parce que c'est un gros cinéaste. Mais Kev Adams, c'est une star. C'est une des stars des gens, c'est la star de beaucoup de jeunes. Vous mettez à la 2, mais quel meilleur choix que de prendre Kev Adams. Il y en a plein, moi, il y en a plein. Je trouve que ça passe en plus. Il y en a plein des jeunes, mais aujourd'hui, alors Kev Adams, c'est vrai qu'il a un soigné tout ça, mais bon, voilà quoi. Voilà. Mais en plus, il y a vraiment du choix. Hein. Il y a Ramsey, il y a Eric Judor, moi, il y a Jamel Debbouze. Adams, il aura un jour un rôle comme Jamel Debbouze. Les autres ont pu avoir des rôles qui vont les changer du côté humoriste et qui va marcher et dont on va le saluer. Bah alors, je suis sûr que ça marchera. Je pense que ça va arriver, mais il faut que ça soit soit un biopic avec un personnage particulier ou soit... Un film historique. Ou alors peut-être même un réalisateur très auteur, entre guillemets, qui va le prendre sous son aile. Après, je veux dire, il est jeune, hein. Il a le temps. Hein. Sauf que j'ai l'impression que lui, il a envie d'être un peu américain dans sa tête. Lui, je pense qu'il aimerait bien partir à Hollywood, faire 2-3 trucs, lui, hein. Tout ça. Après, il voit Gad Elmaleh, il veut suivre la vague. Ah oui, voilà, et puis il a vu comment ça marchait, j'en garde. Faut pas qu'il aille trop vite non plus. Enfin, les amis, il est 22h12. 22h12. Et oui, 22h12 par rapport à la diffusion de cette émission. On va se coucher. Je vous fais de gros bisous, les amis. Ouais. Merci Tommy, merci Gauthier. On a eu un débat très intéressant. Mm-hmm. La semaine prochaine, on fera quand même des news plus courtes, mais c'était très bien. Et je pense que vraiment. Dis jamais ça, parce que quand tu réécoutes l'émission, si tu vois que finalement on a dit des grosses conneries, là tu vas te paraître con. Merci on beaucoup. Termine là-dessus. Non, je vous aime beaucoup, c'était super. Non, ouais. Grosse bise et puis à la semaine prochaine. Ouais, la semaine vous prochaine. Savez ce qu'on va regarder quand même pour la semaine prochaine Il y aura le film de Michel Blanc. Bah, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont aller voir Venom. Il y a plein de choses intéressantes. Non, mais j'ai vu au cinéma en ce moment. Il y a Blindspotting qui a l'air très bien. Ouais. Il y a 16 levées de soleil qui a l'air très bien. Documentaire sur le français qui est parti dans l'espace. Il y a aussi le film sur Neil Armstrong là, c'est quand ça Il y a First Man aussi. C'est ça, c'est grave. Je ne pense pas que ce soit aujourd'hui. Non, c'est peut-être la semaine prochaine. Venom, on en a déjà parlé. Mais voilà, il y a plein de petits films comme ça. Il y a Girl aussi, où c'est un acteur homme qui joue une transformation. J'ai vu un article, apparemment, c'est un très beau film, très bien réalisé. Je vais peut-être aller voir Girl. Franco-belge, je crois. Non, mais vérifie, j'ai un article là. L'acteur est juste de sœur là-bas. C'est pas incroyable, comédien. Je crois. Et il s'est découvert une nouvelle passion. Enfin, il a découvert autre chose. Mais il veut finir ses études, enfin ses cours de danse et tout, ses études avant de commencer à aller voir le cinéma. On va parler de tout ça. Je vous fais de gros bisous et bisous à vous, les auditeurs qui nous écoutez. Merci de nous écouter. N'hésitez pas à partager, à liker la page Facebook et à nous envoyer des messages. Bis, bis, les gens. Bisous. Ciao. Salut.